Enregistrement date du 18 septembre 2022. Donc voici une conversation en conscience avec Olivier. Ici David Oumiko qui vous salue. Donc Olivier, ça va bien? Eh oui, toi? Oui, très bien. Donc je peux mentionner aux gens qui nous écoutent qu'avec Olivier, au fil du temps, depuis plusieurs années, en fait, on a réalisé de nombreuses capsules où on a discuté naturellement de conscience, d'intégration de la conscience au quotidien et également d'actualité. Olivier, c'est un entraîneur, c'est un coach et c'est sûr que s'il y a des gens qui auraient envie d'entrer en contact avec lui pour une consultation, eh bien, en bas de l'enregistrement présent, vous allez pouvoir retrouver son adresse courriel. Et toi, dans le fond, on peut dire en termes de consultation, ce que tu fais, c'est d'accompagner les gens là, dans un développement holistique. Ben oui, exactement. Tu sais, ça a toujours été mon but, c'était de développer son potentiel. Dépendamment de ce qu'on aime, d'être capable d'avoir un corps qui nous permet de ne pas avoir de limites. Donc, à travers la santé, l'alimentation, oui, bien sûr, l'exercice, mais toujours à travers essayer de libérer tout ce qui nous alourdit puis qui nous empêche d'avancer à travers n'importe quoi. Fait que chaque personne est différente. Puis, c'est selon des principes de base de comment tout fonctionne, ben, tu appliques certaines règles puis ça permet aux gens de se sentir mieux. Exactement. Et avant de débuter à proprement dit, je veux quand même mentionner aux gens que j'ai bénéficié des services d'Olivier, dans le sens qu'il y a quelques années, en fait. Jadis. Oui, c'est ça, jadis, le temps passe, mais quand même, Olivier a contribué à me faire prises de conscience en lien avec l'entraînement physique, à repousser mes limites, là, notamment là, par rapport au jogging de haute intensité que je fais toujours d'ailleurs là, pour me garder en forme. Mais tant mieux. C'est ça qui est important, c'est de trouver quelque chose qui nous fait rentrer dans notre corps, tu sais, essentiellement, parce que tout est là. T'sais, le but, c'est la conscience, c'est dans la réalité. Puis dans la réalité, c'est qu'on incarne un corps matériel. Fait que plus notre corps matériel est sous notre contrôle, dans le sens que on en est conscient, puis on a une certaine compréhension, on est capable de bien gérer les fluctuations quand il y a du stress ou quand il y a une période de dépression, on est capable de fonctionner au-delà de ça. Ben, ça nous donne une liberté qui est un petit peu plus grande, là, malgré certaines limitations qu'il peut avoir au niveau du plan matériel. Oui, exactement. Donc, ceci dit, en tout cas, les gens auront tes coordonnées en bas de l'enregistrement. Donc, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de sujets qui peuvent être intéressants à couvrir. C'est sûr que je mentionne aux gens d'entrée de jeu que pour retrouver cette entrevue d'une manière intégrale, eh bien, ça va être sur la chaîne Odyssey, qui est un espace propice à la liberté d'expression. Et pour commencer à t'amener à parler de l'actualité en ce mois de septembre 2022, bien, il y a plusieurs choses qui se passent. D'un côté, il y a eu au niveau de la crise sanitaire un relâchement des mesures au cours des derniers mois. Et par rapport aux mesures qui ont été très strictes, tu sais, il y a eu le couvre-feu, il y a eu des pressions, des chantages pour forcer les gens dans le domaine de la santé à se faire injecter. Ensuite, il y a eu, c'est sûr, toute cette opération médiatique pour discréditer les gens qui n'adhéraient pas au discours officiel, la distanciation physique, le port du masque obligatoire. Après avoir connu tout ça, ce qu'on voit au niveau de l'actualité présentement, c'est que le gouvernement de François Legault, qui avait été de l'avant avec l'ensemble de ses mesures extrêmement liberticides, c'est lui qui est le plus populaire dans les sondages actuellement, là, en vue de la prochaine élection. Comment tu trouves ça? Ça semble normal. Parce que la liberté, tu sais, quand on regarde le Parti conservateur qui parle, le slogan, c'est liberté. La liberté, ça implore automatiquement la responsabilité. Puis la responsabilité, ça nécessite une certaine force, une certaine contenance de son être. Puis très peu de gens possèdent ça aujourd'hui. Fait que le fait que les gens ont besoin de se faire guider, diriger, dans une certaine forme de d'obéissance, mais une obéissance qui est bienveillante, là. Tu sais, c'est comme pour eux, c'est la bonne vertu. Donc, ça fait leur affaire. Puis c'est une autre génération qui a le monopole au niveau de la quantité de gens qui vont voter. Donc, ça m'étonne pas de voir ce genre de pourcentage-là. Mais je remarque aussi qu'il y a une avancée au niveau du Parti conservateur qui est assez rapide en termes d'intérêt au niveau de la jeune population, surtout en Beauce. J'ai vu beaucoup, beaucoup de pancartes sur des terrains. Moi, je reste très neutre par rapport à tout ça. J'ai pas pris de position là-dedans parce que pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est d'être capable dans son quotidien de se rendre, de se donner ce qu'on a de besoin pour être bien, puis d'être capable de sentir qu'on s'émancipe dans un domaine ou dans une habileté ou dans quelque chose qui nous nourrit. Mais je regarde ça, puis je me dis, j'ai l'impression que ça va être la CAQ qui va rentrer encore majoritaire au niveau des sièges à l'Assemblée nationale. Puis, qu'est-ce qui va advenir de ça? Moi, j'ai l'impression qu'économiquement parlant, de recommencer un cirque pour un rhume comme ça, avec des gens qui sont triple dosés, qui s'en vont sur quatre, il y en a cinq. Tu sais, pour moi, si aujourd'hui les gens ils ont encore peur ou ils embarquent encore là-dedans, ça dénote seulement un manque de discernement. Puis, moi, je peux pas prédire qu'est-ce qui va se passer, mais c'est sûr que autant qu'on a l'impression que ça peut être fini, ils peuvent trouver quelque chose d'autre pour continuer de mettre de la pression à amener les gens à faire toute la même chose, t'sais, suivre la même traque. Ben oui, ben soumettre un agenda de contrôle. En fait, moi, un petit peu comme la réélection d'Emmanuel Macron, qui sous son règne avait mis en place plein de mesures liberticides, j'ai l'impression que probablement dans quelques jours, il risque d'avoir la réélection de François Legault, là. Mais le point que je voulais faire, c'est que là, j'ai l'impression que ça va être la question de la guerre en Ukraine qui va servir de prétexte pour contrôler les gens en Europe. Après la menace là, du coronavirus, dans le sens que on peut voir là qu'il y a des possibilités là, de manque d'approvisionnement important là, en matière d'énergie qui sont prévues pendant les prochains mois en hiver. On parle de possibilités de coupure de courant ou que l'électricité coûte des prix extrêmement élevés là. Ouais, puis moi, par rapport à un enregistrement que tu as fait avec Berthold, il dit que c'est comme s'il faisait un suicide collectif de l'Europe par rapport à ça. J'ai trouvé ça intéressant comme concept parce que cet acharnement au conflit-là, au lieu de travailler sur des terrains d'entente puis d'essayer de bien vivre, ben ils sont prêts à se mettre dans tant de misère pour finalement pas avoir nécessairement un rendement qui est optimal pour l'Europe. Puis la Russie semble elle-même bien s'en tirer avec sa propre économie puis ses ressources. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est à se demander, c'est quoi le but là-dedans, là? Tu Ben c'est sais. ça, mais moi je trouve ça drôle parce qu'ils ont dit on va faire la guerre économique en Europe, à la Russie, pardon. L'Europe, il y avait un responsable européen qui avait dit ça. Mais paradoxalement, quand tu regardes les sanctions, ça fait pas fléchir la Russie, puis c'est eux autres qui sont en train de dégrader leur niveau de vie, puis tout leur aspect financier. Tu sais, c'est comme tu veux punir quelqu'un, mais c'est toi qui te punis davantage, c'est comme pas plus intelligent. Ouais, puis c'est parce que c'est des idéologies qui sont très extrêmes. Ils ont chacun des idéologies très extrêmes qui sont pas, qui se coordonnent pas les unes avec les autres, mais qui doivent finalement éventuellement cohabiter. Puis à un moment donné, il va falloir qu'ils s'entendent pour cohabiter, parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui est fait pour être avec tout le monde, ça c'est évident. Mais de là à se nuire d'un point de vue humain au niveau des ressources pour le corps physique, ça c'est abrutissant, là. Surtout en 2022, avec toutes les ressources, l'accès à la technologie, les supposées personnes qui ont des plans positifs pour l'environnement, concrètement, on ne voit rien de ça. T'sais, c'est comme plein de petites choses à gauche puis à droite, mais ça dessert toujours la population. T'sais, finalement, ça te coûte plus cher, tu as moins de services, tu n'es pas plus avancé. Au lieu de fonctionner selon qu'est-ce qui est optimal, OK, de regarder ça puis de dire, bon, présentement, le pétrole, c'est vrai que ce n'est pas le best. Mais ça, au moins on en a, ça fonctionne. On va essayer d'exploiter ça en faisant du damage control. Simultanément à ça, on va essayer de trouver d'autres façons de produire de l'énergie, puis tranquillement s'en aller d'un à l'autre. Pas en étant d'un extrême à l'autre. Puis là, quand on fait des extrêmes à l'autre, puis on impose des conditions, puis des finalités en termes de temps à d'ici 2035, qu'il n'y a plus de char à gaz. C'est pas nécessaire de faire ça. Ça crée de la tension au niveau social. Ben, en fait, au niveau du lobby écologiste, en mettant la date de 2035, c'est pour forcer. Ben, le gouvernement du Québec l'a adopté là, sous la pression du lobby écologiste, mais le but de ça, c'était de forcer un passage à l'action pour que nos dirigeants arrêtent de faire de la procrastination, dans le sens qu'avant 2035, c'était 2030, là, c'est reporté à 2035. Eux autres, c'est sûr qu'ils croient faire le bien en voulant imposer là, à ce que toutes les autos neuves qui soient vendues au Québec et également là, en Californie soient à l'électricité, là. Il faut que ça soit intelligent parce que un char électrique au Québec pendant le mois de février, janvier-février, c'est peut-être pas le best, là. Bien, curieusement, j'ai un ami qui s'accompagne, s'est acheté une auto électrique. Et l'a essayé le mois de février. Oui, au niveau de la batterie, il y a une perte un peu de rendement, mais c'est minime, là. Donc, elle me disait, regarde, je l'ai fait fonctionner en mois de février, ça a très bien été. Il me semble que selon l'information qu'elle dispose, puis aussi la batterie, tu sais, tu peux rouler jusqu'à au-dessus de 400 km avec une charge de batterie d'auto électrique. Ça s'est amélioré au fil du temps. Puis comment ça coûte charger? Oui, ben en fait, le coût de charger, je ne sais pas, mais lui, puis je l'ai essayé avec mon ami, là, en fait, sa compagne lui a prêté son auto. C'est une Kona de Hyundai. OK. Et dans le fond, ça a été jeté neuf, là, une auto 2022. On parle, quand elle l'avait acheté, c'était 42 000, puis là, sur Internet, c'était affiché 46 000. Donc, c'est quand même pas donné, là, je veux dire. Et dans le fond, par rapport à la charge, bon, si chargé chez toi, c'est peut-être 11 cents du kilowattheure, mais ça va prendre un temps qui est très long, là. Tu sais, ça va prendre peut-être entre 9 et 12 heures. Fait que tu charges ça la nuit. Exactement, tu arrives chez toi, tu branches l'auto pendant la nuit, mais si tu veux avoir accès à une borne de chargement rapide, là, il faut que tu ailles à des endroits comme par exemple, tu as le restaurant ici au Québec, là, Saint-Hubert, où en environ 2 heures, là, ça va être chargé. Par contre, le coût, naturellement, du kilowattheure va être beaucoup plus grand vu que c'est un chargement rapide. Puis est-ce que au niveau de la charge versus dépenser pour du gaz, c'est économique? Ben, c'est ce qu'il me disait. Il me disait que c'est nettement plus économique. Par contre, le coût du véhicule est plus élevé. T'sais, si on parle d'un véhicule qui vaut 46 000 $ versus une auto qu'on peut acheter à 20 000 ou 30 000, ben là, c'est sûr que ça prend un certain nombre de temps pour rentabiliser. Lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que le fabricant lui disait qu'il avait une autonomie de 400 km/h en achetant l'auto. Puis dans les faits, l'été passé, quand je l'ai essayé, il disait, regarde, on peut charger jusqu'à un peu plus de 500 pour 500 km. Donc c'est encore mieux que ce qu'il dit. Par contre, c'est de voir avec le temps, parce qu'un peu comme une batterie pour un cellulaire, peut-être la quantité d'énergie qui va être chargée va diminuer là, au fil des chargements. J'ai entendu dire que dans certains cas, les batteries peuvent être assez dispendieuses à changer également. J'espère qu'ils vont être sous garantie. C'est une bonne question. Je ne me suis pas informé par rapport à ça, mais lui, c'est sûr qu'il disait qu'il connaissait quelqu'un qui avait une auto électrique puis il avait fait peut-être au-dessus de 10 ans là, avec. Là. Ah, ben tant mieux. Fait qu'en tout cas, ça me semble de s'en aller vers de plus en plus à point le développement de l'auto électrique. Puis sinon, pour avoir à faire un essai routier avec la Kona Hyundai, ça n'a pas de bruit. T'as un tableau de bord là, très moderne avec un écran. Tu sais, c'est très high-tech. Mais le point que je voulais faire, ben c'est ça, là. C'est que le coût est quand même à l'achat plus élevé qu'une auto à essence. C'est quoi la subvention? Oui, il y a une subvention à l'achat, mais qui a été diminuée de cette année. Je me rappelle pas exactement là, du montant, là. Je pense que c'est 8 000 $, mais il faudrait vérifier, là. C'est mieux que rien. C'est ça. Puis quand que tu te fais installer la borne chez toi, ça vaut à peu près 1 600 $, mais c'est soit une subvention ou un crédit d'impôt que tu peux avoir. Puis le gouvernement ici au Québec en paye la moitié. Fait qu'en tout cas, ils veulent aller de l'avant avec ça, sauf que le problème par rapport à l'auto électrique, c'est que oui, pour le Québec, c'est une solution qui va diminuer la pollution atmosphérique, dans le sens que l'électricité, c'est de l'hydroélectricité qui est produite à partir de l'eau. Sauf qu'au Québec, on est à peu près 8 millions. Puis si on pense à un marché comme la Chine, qui sont au-dessus d'un milliard, ben eux autres, l'énergie électrique est produite à partir essentiellement de centrales thermiques. Donc, c'est vraiment pas de l'énergie propre, là. C'est extrêmement polluant. Fait qu'on fait juste déplacer le problème pour. Tu sais, si on regarde 8 milliards par rapport à 1 milliard, là, c'est presque rien du tout, là. C'est quasiment cosmétique. Puis il y a certains États aux États-Unis qui vont faire la promotion de l'auto électrique. Or, leur centrale, c'est soit thermique, mais c'est pas hydroélectrique. Donc, ça fait quand même de la pollution. Ça fait juste déplacer la production de gaz à effet de serre. Au lieu que ce soit l'auto qui rejette, ben, c'est l'électricité qui en engendre en étant produite. Ouais, puis tu sais, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gaspillage. Tu sais, au-delà des consommations individuelles pour un véhicule pour aller travailler ou faire une tâche X, Y, Z, c'est de savoir, bon, Chris, qu'est-ce qu'on fait là avec ça? Tu sais, c'est, on peut-tu faire des électroménagers, des trucs électroniques qui durent plus longtemps, qui sont fonctionnels, qui sont modulaires, qui peuvent fonctionner les uns dans les autres pour arrêter de gaspiller? Puis à travers ça, d'essayer de faire une transition graduelle, mais là, il y a comme une hystérie collective pour faire quelque chose qui, de toute façon, au Québec, on ne devrait même pas avoir un débat parce on n'a aucun impact réellement, là, notre petite province en termes de la planète entière. Ben, On n'a c'est pas. très peu. On est à peu près 8 millions, c'est minime. Par contre, c'est à travers les petites gouttes d'eau qu'on fait l'océan, dans le sens que si chaque pays ou chaque personne fait un petit geste, ben, à un moment donné, le cumul de tout ça fait une marée, si on peut dire. Oui, mais le petit geste, c'est de l'hypocrisie. Parce que ces petits gestes-là, là, qu'on fait, là, c'est pas ça qui règle le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est le mental humain qui est corrompu, là, à la consommation, puis à l'exagération, puis La à l'abondance. surconsommation, oui. Mais c'est ça le problème. Et c'est la Puis. raison pour laquelle nos élites présentement sont en train d'œuvrer là-dessus, dans le sens que s'ils mettent des quotas pour limiter, avec la bourse de carbone, la production de gaz à effet de serre, ben là, ils vont diminuer la consommation. Puis si on regarde qu'est-ce qu'ils font avec les pénuries qui ont été engendrées en lien avec la crise sanitaire, t'sais, si on regarde en Chine, à Shanghai, avec leur politique zéro COVID qui a été catastrophique pour le commerce international puis l'exportation de produits. On est en train de, j'ai l'impression, de réduire la surconsommation. Ben, on essaye peut-être de façon malhabile, mais tout ça, c'est basé à partir d'une hystérie. On a de la misère à arrêter, regarder, puis prendre une décision à partir d'un mental qui est objectif. On réagit au problème. C'est politique zéro COVID, on enferme les gens chez eux, tu sais, Ouais, puis on oui, se ben à promène avec des Shanghai. hélicoptères. Pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Tu sais, même. Les gens qu'il faut qu'ils se promènent en hélicoptère pour surveiller des gens dans des appartements, ils doivent se dire qu'est-ce qu'on fout ici? T'sais, profondément, chaque personne sait qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, t'sais, la maladie, là, si tu as la poignée puis à mourir d'une maladie, là, ça va être ça. Fait que, t'sais, vis ta vie, là, fais attention, sois responsable. Mais toute cette hystérie-là de contrôle, tant qu'à moi, c'est bien plus des gens qui sont sur un power trip. Il y a du monde qui. Ils ont beaucoup de pouvoir, puis ils en profitent, puis ils viennent à trouver ça alléchant. Oui, exactement. C'est clair. C'est sûr que par rapport à ce qui s'est passé à Shanghai, en Chine, où des familles pouvaient se faire retirer leurs enfants en bas âge, advenant qu'on dise qu'ils soient atteints de la COVID pour les amener dans un centre de confinement. Ça fait quasiment penser à un centre de détention, là. Ouais. C'est comme, comment pourrait-on dire, les unités de quarantaine. C'est comme, si t'aimes pas quelqu'un, ah, ça doit être un cas de COVID, on va l'amener pendant 2 semaines au goulag, tu sais. Ouais. Ça fait Tu sais, penser un puis peu à ça. une décision intelligente dans n'importe quelle situation, que ce soit au niveau collectif ou individuel, faut toujours peser les conséquences positives et négatives de l'action. Si les conséquences négatives sont plus hautes que l'action positive que quelqu'un va porter sur un problème, ça devient destructif. Fait que c'est ça. Moi, ça m'a toujours surpris comment que les gens sont pas capables de mesurer ça, tu sais, objectivement. Que quand tu es émotionnellement attaché à un problème, tu as de la misère à prendre du recul puis dire, OK, c'est beau les mesures, on essaie de sauver des vies, mais est-ce que là, en ce moment, on ne crée pas un problème dans une autre sphère de la société? T'sais, Exactement. Mais la destruction de l'économie que, dans le fond, j'anticipais, puis j'ai déjà discuté avec toi là-dessus là, il y a plusieurs mois, ben j'ai l'impression qu'elle est en train de s'actualiser avec des taux d'inflation records, d'endettement aussi là, des États-nations. Ouais, puis je sais pas où est-ce que ça va aller tout ça parce que la machine fonctionne à partir du momentum que tu génères en produisant de l'argent puis d'augmenter l'argent en circulation. C'est ça qui fait que la machine a fonctionne. Mais là, présentement, tu sais, les marchés sont très très bas par rapport à qu'est-ce qu'ils ont déjà été. Puis ils vont sûrement remonter. Puis je sais pas trop comment ça va avoir l'air, mais je sais Mais, pas c'est ouais. C'est parce que je dans le sais. fond, par rapport à l'état des marchés boursiers nord-américains, que ce soit le Dow Jones, le Nasdaq, quand on regarde ça, il y a eu beaucoup de baisses depuis le début de l'année, là. Ouais. Mais la façon que je vois ça, puis je comprends ça, entre autres, après avoir écouté 7 jours sur Terre, qui ont fait une vidéo récemment, là, d'un peu plus d'une heure sur tout le système économique nord-américain. Puis l'argent, puis les pétrodollars et tout ce qui s'est passé là, depuis plusieurs décennies, c'est que là, on arrive peut-être au moment d'une grande épuration économique, parce que les stratégies qu'utilisaient les banques centrales, c'est-à-dire donner facilement accès à du crédit, garder ça à du 0% pour relancer l'économie, ça a ses limites aussi, parce que s'il y a trop d'argent en circulation, puis en même temps que le taux d'intérêt est bas, ben ça mène de l'inflation. Oui, mais surtout que c'était les banques d'investissement qui avaient accès à des taux à 0% pour investir avec des leviers qui étaient beaucoup trop hauts. C'est comme s'ils apprennent jamais de leurs leçons. T'sais, Non, ça fait exactement. tellement de crises économiques qui sont liées à ça. Mais t'sais, c'est ça que, comme je te disais tantôt, c'est le comportement humain. C'est la conscience. Tant qu'il n'y aura pas de conscience, on va fonctionner à partir de nos pulsions émotives. Puis des pulsions émotives dans des marchés financiers, ça génère ça. T'sais, qu'est-ce que tu as à perdre quand que tu peux emprunter à 0% puis faire des leviers sur des investissements puis d'avoir des contrats que tu sais qu'ils vont être gagnants? C'est sûr que tu Oui, vas faire ça. puis surtout que les banques qui avaient amené à la crise des subprimes aux États-Unis en 2008, en ayant prêté de l'argent à des gens qui n'étaient pas capables de les rembourser par la suite pour acheter des maisons. Puis eux autres, ils avaient revendu sur le marché des prêts hypothécaires qui étaient toxiques, mais en disant « Ah oh, non, non, c'est fiable, c'est une catégorie A, B, etc. » Mais il avait camouflé là-dedans des prêts toxiques où les gens n'avaient pas la capacité objective de rembourser. Quand la bulle s'est effondrée, le gouvernement américain, ce qu'il a fait, au lieu de laisser le marché s'épurer, ben non, il était au secours des banques, puis les a renfloués à coups de millions, voire de milliards de dollars. 700 milliards. Exactement. Fait Puis que. le pire là-dedans, c'est comment que ça a été fait. Quand les hedge funds ont commencé à shorter des credit default swaps là, de différents types de subprime, comme tu dis, là, puis qui ont monté même jusqu'à shorter des AAA, qui étaient vraiment de la merde finalement. Ben ça, c'est là qu'ont les banques, quand ils ont allumé, eux autres, ils vendaient des mortgage bonds, puis ils shortaient en même temps les mêmes mortgage bonds qui étaient en train de shorter. Fait que Excuse-moi, shorter, en français, si tu veux dire. shorter, ça veut dire voter contre. OK, ben c'est comme s'ils misaient contre les mêmes produits qu'ils vendaient. Exactement. Exactement. Puis les compagnies d'assurance, eux autres, ils protégeaient ça, plus ils donnaient des faux. Les faux, des faux, les rating agencies donnaient des fausses cotes, malgré le fait que voyons, les valeurs mobilières qui étaient toutes rassemblées ensemble n'étaient pas nécessairement bonnes. Ils leur donnaient des bonnes cotes quand même. Fait que là, finalement, il y avait toutes sortes de fraudes qui se passaient à gauche puis à droite. Puis, quand ces banques-là se sont effondrées parce que justement, tout ça commençait à s'écrouler puis les gens vendaient à perte. Ben là, il y a du monde qui se sont mis bien riches, des gens qui ont fait des commissions. Puis pendant ce temps-là, ben, comme tu dis, le gouvernement a bail-out des banques. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont racheté plein de petites banques qui ont fait faillite, puis ont fait une plus grosse banque avec. Puis ils ont continué la même game qu'avant. Exactement. Et il y avait un film là, par rapport à ça sur Netflix que j'ai écouté, puis c'était quand même révoltant parce qu'à la fin du film, c'est comme si on n'apprenait pas nos erreurs. Puis là, on était sur le point de connaître probablement là, dans les prochains mois, voire les prochains jours, une autre bulle financière similaire. C'est parce que si on n'apprend pas nos erreurs, c'est pas que nous, on n'apprend pas nos erreurs, c'est qu'eux autres, ils vivent pas de conséquences de leurs erreurs. Ben non, ben c'est ça, quelqu'un qui appartient à une banque, puis justement, il permet à ce que des actifs toxiques soient vendus à des gens. Au lieu de faire faillite ou être réprimandé, le gouvernement vient compenser à coups de millions. C'est comme un enfant qui fait un mauvais coup. Au lieu d'être réprimandé puis de laisser se démerder, puis qu'il y a une purge, ben non, non, tu donnes un paquet d'argent puis des bonbons, puis lâche pas. Exactement. Puis c'est les gens qui payent pour ça, c'est la population, c'est les gens dans la classe moyenne, la classe moyenne élevée, qui va payer de plus en plus, puis qui devient limité dans son pouvoir d'achat. Puis c'est ça qu'on voit en ce moment. Mais Exactement. ce que je réalise, c'est que, tu sais, comme moi, mettons, au lieu d'avoir été dans les dettes pendant la pandémie, ben j'ai été dans les investissements. Puis finalement, ben j'ai pu bénéficier positivement de tout ce qui s'est passé. Pendant que là, on voit qu'il y a des gens qui ont de la misère à payer leurs comptes, qui ne pourraient pas payer un accident, une dépense d'urgence de 1 000 $ et plus, sont pas capables, là, ils sont en merde, il faut qu'ils prennent une carte de crédit. Fait que là, tu sais, finalement, c'est quoi le problème? C'est-tu vraiment l'économie ou c'est les décisions que les gens vont prendre? Si tu t'achètes une maison par impulsivité parce que tu es tanné d'être isolé chez vous à cause des confinements puis tout. Puis là, tu t'achètes une maison, puis tu l'achètes au-delà du prix de l'évaluation parce que c'est un bon temps, puis tu sais, ah, ça va continuer de monter. Puis là, tu fais une hypothèque pour cette maison-là qui est au-dessus de sa valeur. Puis là, elle reprend de la valeur un peu. Fait que là, tu réhypothèques pour aller chercher de l'équité. Puis là, finalement, ben là, éventuellement, les taux d'intérêt montent. Fait que les gens sont plus capables de payer ça. Puis là, quand ça recommence à descendre, ben là, les gens, s'ils veulent vendre les maisons, ben ils sont plus capables de vendre les maisons au prix qu'ils doivent. En hypothèque. Fait qu'il est là le problème. Mais je sais pas jusqu'à quel point ils Ben vont ça, c'est laisser ça l'effet passer. domino qui s'est fait en 2008. Mettons, tu avais des gens un peu scolarisés, puis se faisaient prêter, mettons, 350 000 piastres aux États-Unis pour s'acheter une maison. Puis finalement, à cause de la crise, ben, mettons, si la maison à côté de chez toi, c'est une reprise de la banque parce que la personne a fait faillite. Même chose pour tes différents voisins, ben, il y a un effet domino. C'est-à-dire que là, le quartier est en train de se vider, puis la maison que la personne a achetée, mettons, 350 000, puis il n'y a plus de demande, peut-être qu'à un moment donné, elle va tomber à 250, 150 000, puis à un moment donné, la personne qui l'a va comme juger que c'est plus intelligent de faire faillite. Pourquoi rembourser 350 000 si la maison vaut 150 000? Puis le pire là-dedans, c'est qu'à cause de la bulle immobilière pendant la période avant 2008, les gens, il y avait des fois 3, 4, 5 hypothèques sur une maison. Ah ouais, ça, je savais pas ça. Ben oui, il y avait plusieurs hypothèques sur une même maison parce qu'ils réhypothéquaient constamment la maison dû à l'augmentation de la valeur. Puis là, ben, il y a des subprimes qui étaient composés de des hypothèques qui étaient des réhypothèques de maison. C'est ça vraiment qui a fait écraser la machine. Parce qu'à un moment donné, tu sais, quand la maison, c'est une hypothèque pour la maison, ben, tu as une valeur. Mais quand tu as 3 ou 4 hypothèques sur la même maison, ben, toutes ces hypothèques-là supplémentaires pour couvrir une valeur imaginaire d'une augmentation qui est finalement pas réelle, ben, quand le marché s'écroule, tu imagines comment ça Mais s'écroule? juste pour, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais juste pour bien comprendre le principe, c'est que si, admettons, la personne a contracte une hypothèque pour 150 000 parce qu'elle a acheté une maison, Ouais. par la suite, la maison est évaluée à 250 ou 350 000, la personne va voir son conseiller financier à la banque, va dire, ben là, tu pourrais réhypothéquer la maison pour me donner plus d'argent, de marge de manœuvre pour un 350 000. C'est ça. OK, dans ce sens-là. Ouais. Fait que là, tu fais ça 3, 4, 5 fois. Fait que finalement, tu as emprunté, je sais pas moi, d'une maison de 300 000, tu as emprunté 750. Puis là, il y a le crash. Puis là, ta maison, elle en vaut 250, mais tu en dois 750, ça va pas Non, mais dans certains cas, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui ont évalué qu'il était mieux de faire faillite que de rembourser. Ben oui, exactement. Fait que, tu sais, finalement, les banquiers, eux autres, s'en calissent, là. Ils ont joué tout sur le noir, à la roulette, mais c'est pas leur argent. C'est ça qui est malhonnête. Puis tant et si longtemps qu'il va y avoir des gens comme ça à la tête des gouvernements, pas à la tête des gouvernements, mais qui travaillent conjointement avec les gouvernements, qui sont tous dans la même vague ou dans le même fonctionnement, ben c'est sûr que tous les mouvements de bonne foi politique pour l'environnement, puis pour les justices sociales, puis tout ça va toujours être corrompu parce qu'il y a toujours du monde qui fonctionne avec cette machine-là, qui bénéficie de ça, puis qui font pénaliser la société de leurs actions avarées, tu sais, l'avarisme qu'ils peuvent avoir par rapport Oui, au par marché. rapport à l'argent. En fait, moi, j'ai l'impression que peut-être dans les prochains mois, s'il continue à avoir une hausse consécutive des taux d'intérêt ici au Québec, il y aura probablement des gens qui vont faire faillite par rapport à des maisons. Parce que là, si quelqu'un achète une maison puis il prévoit avoir un taux de 3,95 puis finalement, ben finalement, il y a une hausse d'un pour cent, un autre pour cent, puis là, finalement, c'est plus la même chose. Tu sais, c'est. Je ne sais pas, c'est rendu à 5,95 ou plus que ça, 6, 7 ou un peu comme Ah, les c'est années énorme, c'est 80. énorme. Ben c'est ça, c'est parce que tu sais, si la valeur de la maison, c'est 400 000 par rapport à un paiement à chaque mois, ça augmente beaucoup. Fait que là, les gens sont dans un engrenage que au moment de renouveler le taux d'intérêt. Tant que les marchés immobiliers vont être solides, les gens vont pouvoir réemprunter pour pallier à ce taux d'intérêt-là. Ils vont réemprunter pour s'aider à payer. Mais ça, c'est pas une bonne idée, ça. Ben, ça dépend pour qui, là. Tu sais, c'est sûr que on n'est pas conseiller financier, mais moi, c'est sûr que j'ai l'impression qu'à un moment donné, tôt ou tard, un peu comme l'expliquait, je mettrai le lien web là, en bas de la vidéo. 7 jours sur Terre a fait un très beau documentaire qui nous expose qu'on se dirige vers les limites du système capitaliste au niveau financier, comme on le connaît depuis plusieurs décennies, et que tôt ou tard, il y aura une purge à être faite, dans le sens qu'à un moment donné, l'idée d'inonder le marché de devises comme le fait les États-Unis depuis longtemps, parce que c'est sûr qu'ils parlaient essentiellement des États-Unis, vu que c'est une superpuissance, ça a ses limites. Donc. Ben oui, mais c'est ça. Mais tant que tout va être électronique, ça va toujours avoir le potentiel de se multiplier rapidement comme ça. Parce que tu sais, quand tu vois la quantité d'argent qui a été en circulation depuis des années, l'effet exponentiel de la création monétaire est venu vraiment avec l'arrivée de la technologie, puis de l'Internet, puis de l'accélération de la technologie. Oui, c'est sûr que la technologie participe à ça. Mais en même temps, plus que la dette devient grosse, que ce soit le Canada ou les États-Unis, c'est qu'à un moment donné, ça devient de moins en moins réaliste qu'elle soit remboursée. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la cote des Elle ne peut pas crédits. être remboursée parce que l'argent qui est en économie, c'est de la dette. Parce que l'argent qui est en circulation, c'est déjà une promesse de remboursement d'un federal bond ou d'une promesse de remboursement à une banque centrale. Fait que la dette, il va toujours en avoir. Ça, c'est normal parce que la dette, c'est de l'argent. Ou l'argent, c'est de la dette. Bien, on a créé de l'argent sur de la dette, mais c'est sûr que le système économique pourrait être différent. T'sais, si on regarde par exemple au niveau de la crypto-monnaie, du Bitcoin, on sait très bien qu'il y a un nombre limité de Bitcoin, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'inflation, à la différence des devises des États-nations qui ont tendance à perdre de la valeur avec le temps parce qu'une grande quantité qui est produite. Tandis que si le Bitcoin est un nombre limité d'unités, ben ça peut pas se dévaluer là, pour des raisons de dissolution de la valeur par rapport à une grande quantité qui augmente avec le temps. Le problème, c'est qu'il y a toujours les gens qui ont toujours plus de possessions, qui ont toujours plus de richesses, vont pouvoir posséder ces cryptos-là, puis pouvoir les manipuler aussi. C'est C'est sûr. ça, tu sais, dans le sens que comme l'argent est manipulé, tu penses-tu que les gens qui produisent l'argent pour les économies, qui sont les banques centrales, tu penses-tu qu'ils ne possèdent pas des assets dans ces départements-là? Probablement, c'est Ben, c'est sûr. ça. Peuvent jouer avec ce qu'ils veulent, là. Tu sais, c'est toujours cette direction-là que ça va prendre la société, c'est selon qu'est-ce que on est supposé, dans quoi qu'il faut se coordonner. Oui, ben probablement qu'à un moment donné, le gouvernement, de la façon que je vois ça, va imposer les gens qui ont des crypto-monnaies, tu sais, par rapport à les gens qui font de la spéculation là-dessus, là, un peu comme Ben, ça quelqu'un. l'est déjà, là. Ben, c'est pas clair dans ma tête. Ça l'est au Canada? Oui. OK. Fait que... Si tu fais des revenus avec ça en termes de profit, ben il faut que tu les déclares. OK, un peu comme une action ou une obligation, là. Exactement. OK. Puis tu sais, chaque application, un peu comme quand tu fais des. T'achètes sur les marchés financiers, mettons la banque, pas la banque du, mais la le stock market de Toronto. Ben, si tu fais des profits annuels, ben, il faut que tu les déclares dans tes impôts. Puis, dépendamment dans quel genre de placement que tu es, ben, si tu es dans un placement où ce que tu fais du day trading, ben, c'est évident que tu vas payer de l'impôt sur tes profits. Mais tu as d'autres types de comptes de trading qui sont à l'abri de l'impôt, un peu comme des REER puis des CELI, là. Ben, la crypto-monnaie, je pense que c'est le même principe. OK. C'est sûr que ça serait à vérifier, mais moi, la façon que je vois ça, c'est que présentement, les États-nations regardent qu'est-ce qui se passe avec la crypto-monnaie, mais éventuellement, il y aura peut-être une monnaie numérique qui s'inspirera de la crypto-monnaie, qui deviendra la monnaie mondiale, advenant qu'il y ait un grand reset, comme en fait la promotion, là, le Forum économique mondial. Autant que ça a l'air proche, autant que ça a l'air loin, tout ça. OK. Parce qu'il y a des habitudes humaines qui sont dures à briser. Tu sais, une monnaie électronique universelle, quand tu as plein de pays dans le monde qui n'ont pas accès à de l'Internet, tu sais, il faut commencer à apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui doivent prendre place avant que tout ça puisse être standardisé, si ça a l'être. Puis l'humain, la conscience humaine, elle peut toujours surprendre un courant d'événements qui est supposément prédéterminé, mais qui peut prendre un autre tournant dépendamment des réactions que ça peut générer dans la population. C'est sûr qu'il peut y avoir des événements surprenants, mais moi, si je regarde, si la tendance se maintient, on se dirige vers ça. C'est-à-dire, tu regardes des projets là, comme Elon Musk qui veut mettre un réseau de satellites là, un peu partout dans l'optique que les gens aient accès à Internet, là, peu importe l'endroit qui se trouve là, sur la Terre, là. Ouais, mais tu sais, quand tu regardes ça, dans le fond, en général, ton paiement, c'est déjà ça, là. On est déjà un peu dans de la monnaie virtuelle parce que la plupart des gens n'ont pas d'argent cash. Tu sais, c'est l'argent cash qui permet d'avoir encore l'impression qu'il y a de l'argent parce que quand tu payes toujours avec une carte ou même avec ton. Il y a des gens qui payent avec la montre. Tu imagines, tu payes avec ta montre, tu n'as même plus l'impression que l'argent, ça existe. Non, Ça exact. devient de l'argent électronique. C'est Fait ça. que jusqu'à quel point ils ont besoin de créer un autre système. T'sais, je sais pas trop, là, ça se pourrait, là, mais moi j'ai l'impression qu'on est déjà un peu là-dedans en quelque sorte. Puis dans certains pays comme l'Asie, c'est encore plus par le téléphone, puis le biométrique, puis les photos du visage, puis tu peux payer avec différentes façons. Oui, ben par rapport à d'ailleurs à la Chine, j'avais écouté là, une vidéo. D'une personne qui provenait là, de Shanghai et qui a connu les mesures là, zéro COVID là, il y a quelques mois. Et elle a raconté là, qu'à Shanghai, les gens vont utiliser le téléphone intelligent pour payer. Là. Il n'y a plus d'argent qui est utilisé, le papier là, ou presque plus. Là. Tu sais, c'est essentiellement là, des transactions là, avec le téléphone intelligent. C'est ça. Puis à un moment donné, j'ai tombé sur une vidéo quand même, une personne itinérante. Dans le fond, demandait aux gens non pas de l'argent papier, mais il y avait un code QR que les gens pouvaient scanner pour lui faire des dons. C'est créatif. Oui, ben c'est ça. C'était d'ailleurs l'objet de la vidéo qui disait que voici un exemple d'adaptation aux nouvelles réalités numériques. C'est que la personne en Chine montrait le code QR que les gens pouvaient scanner pour lui faire une contribution financière. Ça te permet d'avoir au moins une pièce au lieu d'avoir des cents. Oui, exactement. En tout cas, ça devient une façon là, de s'adapter aux réalités changeantes. Mais la façon que je vois ça, le fait entre autres à cause de la crise de la COVID, on a dit, ah ben, si tu utilises l'argent, tu vas peut-être contaminer l'autre personne qui va prendre l'argent dans ses mains. Fait qu'éviter les contacts d'argent pour amener les gens sur le numérique. Même chose pour la formation à distance, le télétravail, puis toutes ces choses-là. Ça a été l'histoire d'utiliser de plus en plus des transactions numérisées qui a favorisé l'achat en ligne plutôt que les achats locaux, parce qu'au cas où tu te présentes au magasin à personne puis t'attrapes le virus, tout ça a participé à amener les gens dans l'ère de la monnaie numérique. En tout cas, c'est un prélude à ça. C'est sûr qu'on le vit ici, bon, la monnaie canadienne, les gens en Europe le vivent avec l'euro, avec la zone euro, mais éventuellement, il y aura peut-être une zone nord-américaine avec... que ce soit les États-Unis, le Mexique, avec même unité, voire puis éventuellement, ben c'est sûr, il y a la zone euro, il y aura probablement une zone asiatique, puis à un moment donné, la fusion de tout ça avec une monnaie là, internationale. Ça se peut, mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'on crée beaucoup de dogmes à travers les événements de la COVID, parce que tu sais, tout le virus, ah, faut se laver les mains, tu sais, quand finalement c'est un virus qui est en Essentiellement aérosol. aérosolisé, oui. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se sont comme créées, qu'on a pris pour acquis parce qu'on n'a pas comme réfuté l'information ou on n'a pas intérieurement senti qu'il y avait de quoi qui fonctionnait pas. Fait que ça crée comme une espèce de standard de société qui est, malgré le fait que c'est pas nécessairement réel, ça crée comme une direction où ce que les gens font, prennent pour acquis que, ben oui, OK, maintenant, il faut faire ça. Ben oui, si jamais il y avait un virus, mais ça n'a jamais été ça. T'sais, on a regardé des courbes de virus qui sont allées partout dans le monde, ont tout le temps pas mal été similaires, avec des mesures, sans des mesures, avec les vaccinations, sans les vaccinations. C'est comme si la nature a fait à sa tête. Puis nous autres, on est là, là, puis on essaye d'arrêter le train avec nos bras, là. Puis on essaie de le décoller avec notre bras parce qu'il part de lui-même, puis on est à côté, puis on le pousse, puis on se fait à croire que c'est nous qui poussons le train. La machine, elle fonctionne seule. T'sais, si la nature, elle a un virus, elle va faire ce qu'elle a à faire avec la population. Puis des fois, il y a des virus qui sont plus faciles à vacciner que d'autres, mais celui-là, il était plus complexe. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait beaucoup de vieilles versions d'un vaccin qui étaient données à certaines personnes qui avaient déjà pris, avaient déjà contracté l'ancien virus, puis finalement, ils ont cette dose-là, mais l'autre variant après, il ne fonctionne pas avec lui. Fait que là, il devenait malade, puis là, il donnait la maladie à d'autres personnes. Puis là, il y a plein de gens qui devenaient malades, puis des gens qui étaient plus vaccinés étaient souvent plus malades. D'autres personnes, c'était le contraire. Fait que finalement, ça a été un peu n'importe quoi. Puis là, on essaie de se faire à croire que tout ça fonctionne. Puis là, on crée des conditions sociales pour que si jamais ça réarrive, ces mesures-là doivent être mises en place quand elles n'ont jamais été valables en premier lieu. Non, exactement. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans tout ça, c'est de voir comment que le gouvernement a réussi à avoir le consentement social dans des pays démocratiques, que ce soit la France ou le Québec, pour amener les gens à se soumettre à un couvre-feu à 8 heures le soir. Tu sais, il faut le faire, là. Les gens, ils sont de bonne foi, hein, puis ils croient, c'est plus facile pour eux de se dire, ah, ben, garde, au moins, je le fais pour le bon. S'ils le font pour le bon, ben, ça leur permet justement de se sentir bien avec l'action qu'ils portent. Mais finalement, ça les limite, ça leur crée une certaine frustration, puis on dirait que certaines personnes sont comme capables de projeter leur frustration sur un ennemi de la société. Fait que dans le fond, le problème, pourquoi qu'eux, ils vivaient une frustration, c'est parce que il y avait des personnes dans la société qui respectaient pas les mesures. Puis là, les gens qui respectaient pas les mesures disaient que c'est à cause des gens qui respectent les mesures. Fait que ça crée toute une zizanie qui, finalement, autour d'un virus qui faisait ce qu'il voulait quand qu'il voulait. Exactement. Puis les gens se sont polarisés, puis ça nuit à des familles, à des commerces. Il y a plein de personnes qui se sont divisées à cause de ça. C'est la façon arbitraire de faire les choses, ça sera jamais intelligent parce que faut prendre en contexte chaque chose. Tu sais, il y a des gens qui sont plus à risque. OK, il y a des gens qui sont moins. Il y a des situations qui sont moins pires que d'autres. Puis en même temps, on peut-tu laisser les gens décider s'ils veulent prendre un risque ou non? Une Exactement. société intelligente, éventuellement, ça va laisser les gens prendre des risques dans la mesure où ce qu'il y a un respect social. Tu sais, je comprends que. Tu sais, comme moi, j'ai jamais été en contact avec des personnes âgées pendant 2 ans et demi. Fait que quand même bien que j'aurais été un danger public. J'étais-tu vraiment un danger public? Parce qu'il faut mettre en contexte que tu es un non-injecté, là. Ben, exactement, tu sais. Puis j'ai pas succombé à la pression de tout ça parce que j'avais pas besoin. J'avais mis des conditions dans ma vie qui me permettaient d'être libre. Toutes les sphères de ma vie étaient répondues malgré le fait que les choses étaient ouvertes ou fermées, fait que j'étais capable de fonctionner quand même. Mais je pense que certaines personnes étaient stratégiques, d'autres moins. Moi, j'ai pas été émotif parce que dès le départ de cette histoire-là, je savais déjà qu'il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent. Parce que les gens disaient des choses une journée, après ça, ils changeaient d'idée. Ben, Ils on l'a disaient vu une avec le chose, ils docteur changeaient d'idée. Arossi Arruda qui disait lavez-vous les mains, nanana, portez pas de masque. Puis Puis c'est ça l'affaire, après ça, il rend ça obligatoire quelques semaines après. c'est que tu vois ces incohérences-là, puis toi tu t'en rappelles, puis d'autres personnes, ils s'en rappellent pas. Puis c'est là qu'on voit que dans la société, quelqu'un qui est émotif, quelqu'un qui est réactif aux événements, va toujours avoir des laps d'inattention, fait qu'il va oublier certaines choses. Puis quand tu es dans un état de stress, il n'y a rien qui existe à part le présent. Fait que là, tout ce que tu vois, c'est « Ah, maintenant, c'est ça! » Mais tu te rappelles pas qu'avant, ça l'a dit autre chose parce que tu es dans un état de stress. Mais quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est capable de regarder les choses avec une certaine continuité de conscience, là, qui est capable de raccorder chaque événement l'un dans l'autre, puis de voir c'est quoi la tangente, où est-ce que ça s'en va, ben il peut bien voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, là. Exactement, mais en tout cas, où est-ce qu'on en est rendu au mois de septembre 2022, c'est que là, l'ensemble des mesures ont tombé, ou presque, c'est-à-dire à part peut-être se présenter à un hôpital, ils vont demander de porter le masque, mais je veux dire, le masque n'est plus obligatoire dans les lieux publics fermés, le passeport n'est plus demandé. Donc, quand on regarde ça, on a l'impression que là, on a la paix, mais est-ce que en réalité, c'est tout simplement une espèce de période d'accalmie, le temps de la lune de miel électorale, et que peut-être le gouvernement en place soit réélu pour ensuite, une fois les élections québécoises passées, revenir à la charge avec des mesures encore plus liberticides, advenant que le gouvernement ait un mandat fort. Je vois très mal comment que ça serait possible pour un gouvernement d'une petite province comme le Québec de fermer des commerces encore avec l'état de l'économie pour quelque chose qui finalement est plus vraiment réellement un problème. Là, t'sais. Là la rentrée avant, c'était la fin du monde, puis là, cette année, on n'entend pas parler. Mais on entend parler d'élections, puis le gouvernement veut être réélu, donc il n'y a pas intérêt à contrarier les électeurs. Puis c'est du gros talk shit. Tu sais, en ce moment, là, dans les nouvelles, au niveau de la course à la chefferie, c'est vraiment beaucoup de talk shit sur le monde. Tu sais, des trucs. Chaque personne dit quelque chose de négatif à la place de quelqu'un d'autre. Puis finalement, c'est des espèces de guerres d'opinion qui sont vraiment infantiles. Tu sais, ça manque vraiment de maturité. Je trouve, je regarde ça, je trouve ça vraiment immature comme façon de débattre. Puis, à travers de ça, ben, comme tu dis, là, la rentrée, la COVID, ça n'existe pas. L'automne passé, c'était la fin du monde, il fallait fermer l'économie, puis là, c'est plus la fin du monde. Il n'y a pas de cohérence. Mais là, on va dire, ben, c'est parce que cette année, il y a des vaccins qui sont disponibles, les gens ont plusieurs doses, donc les clientèles plus vulnérables ont la possibilité d'être adéquatement protégées. Ben tant mieux, si c'est ça, on va avoir la paix. Oui, exactement. Mais moi, j'ai l'impression que, en tout cas, on verra dans les prochains mois, là, je ne serai pas mon prophète de malheur. Mais disons que ça fait l'affaire du gouvernement actuel en place dans l'optique de se maintenir, qu'il n'y ait plus de mesures liberticides, parce que sans ça, Éric Duhaime, qui a une certaine popularité au niveau du Parti conservateur, il y aurait encore plus le vent dans les voiles par rapport aux gens qui sont tannés des mesures, advenant qu'il y ait d'autres mesures qui reviendraient en place là, à mesure qu'on se rapproche de l'hiver. Honnêtement, je pense que pas mal tout le monde est tanné des mesures, là. T'sais, je pense pas que quelqu'un qui est 5 fois vacciné aime les mesures, là. En tout cas, très peu. Ah, ben, j'en suis pas sûr, moi. Parce que si tu regardes les journalistes, il y a quelques semaines, parce que le nombre de cas avait augmenté, ils avaient dit au gouvernement, ils posaient des questions dans l'optique de remettre le masque dans les lieux publics, son port de manière obligatoire. Ouais, mais ça, c'est les médias, c'est pas la population. Je sais très bien, mais ce que je veux dire, c'est que quand même une partie, quand même, font partie de la population qui en veulent, là, tu sais. Ouais, mais ils veulent. Les gens sont tannés pareil, parce qu'à un moment donné, une pression sociale comme ça, avec des mesures puis de l'incertitude pendant 2 ans et demi, il y a une limite à ce que le système nerveux d'une société peut prendre. À un moment donné, il Exactement. faut prendre un break, là, parce que, tu sais, tout ça pour finalement quoi? Une poignée de vieux qui meurent en haut de l'espérance de vie, là, tu sais. Faut en revenir, là. T'sais, je comprends que c'est pas drôle, puis je comprends qu'il y a des gens qui sont tristes, puis qu'il y a des gens avec des COVID longues, puis toutes sortes de patentes à gosse. Mais la vie, c'est des COVID longues. Il y a plein de monde qui ont des problèmes longs, puis d'autres qui en c'est plus court. Puis, t'sais, à un moment donné, faut apprendre à fonctionner là, à travers tout ça, là, puis se prendre en main. Puis, et là, le problème, t'sais, en 2 ans et demi, il n'y a jamais personne qui t'a dit prends-toi en main. On a toujours pris en main la population, puis on les a infantilisés, on les a traités comme des enfants. Ah, là, tu peux, là, tu peux pas. Là, tu peux inviter deux amis, mais pas trois, puis de telle heure à telle heure, puis t'es dans une zone jaune, fait que t'as le droit, puis de la zone orange, t'as pas le droit, puis... Tu sais, t'as pas le droit de t'acheter des mitaines, puis c'est toutes sortes de... C'est des trucs qui ont... Tu sais, le monde, je pense qu'ils sont en choc post-traumatique, là. Tout le monde pense qu'il va y avoir des mesures à l'hiver, parce que c'est un choc post-traumatique, mais il essaie de se faire à croire que non. Mais dans le fond, je pense pas que personne ne sait dans quoi qu'on s'embarque. J'ai hâte de voir. Parce qu'on a eu un drôle d'été, tu sais, au niveau du tourisme, ça a été spécial, puis je serais curieux de voir comment qu'on va avoir, quel genre d'hiver qu'on va avoir, l'attitude des gens, comment qu'ils vont se sentir. Oui, ben ça sera un dossier à suivre, mais la particularité de ce qui s'est passé cet été, c'est que lors de la septième vague, le nombre de cas a diminué par lui-même, sans qu'il y ait eu besoin pour le gouvernement d'intervenir avec un couvre-feu, le port du masque obligatoire, la distanciation sociale, et ainsi de suite. Tu sais, il n'y a pas eu de mesure et la courbe du nombre de cas et d'hospitalisation avait baissé par elle-même. Regarde là le calendrier là, de tous les cas à travers les 2 dernières années, 2 ans et demi, là. Puis regarde en relation avec les mesures, puis quand les mesures ont été mises en place, quand les vaccinations ont été mises en place, là. Puis si quelqu'un, mettons, était tellement naïf, peut regarder ça puis dire, il préfère une corrélation entre dès qu'ils mettent des mesures, l'augmentation des cas vient tout de suite après. Quand tu regardes le graphique, là, tu vois toujours ça. Là, tu vas dire, non. Ils savaient qu'il allait avoir une augmentation de cas, fait que là, ils ont mis la mesure avant. OK, pas de problème. Mais pourquoi que ça fait un pic, puis que là, on arrive dans le pire? Quand il y a le plus de mesures, on est dans le pire. Fait que là, les gens, il y a des gens qui vont rationaliser ça, puis vont dire, ouais, mais imagine-tu s'il n'avait pas eu? Mais ça, là, c'est de la pseudo-science. Imagine-tu s'il n'avait pas eu? Là, après ça, il faut que tu regardes dans d'autres places. Puis il y a d'autres places qui n'avaient pas autant ou pas au même moment. Puis finalement, les courbes sont similaires. Fait qu'à un moment donné, c'est à se demander, bon, est-ce que ces mesures-là ont réellement servi ou est-ce que c'est comme purement comme un dogme religieux là, de faire tes prières le matin, puis mettre ton masque, puis d'avoir ton masque toujours prêt, puis toujours, tu sais, t'es fier, là. Ah, oh, je vais mettre le masque, là. Puis, tu sais, les gens, ils viennent à comme trouver ça agréable, on dirait. Oui, certainement. Mais c'est sûr que d'autres endroits dans le monde, si on pense à un pays comme la Suède, en Europe, il n'y a pas eu de mesure autant liberticide qu'au Québec ni en France. Mais pourtant, de ce que j'ai eu comme accès d'information, ça n'a pas été, dans le fond, plus grave que nous autres, là, significativement, là. Ouais, puis tu sais, mettons qu'on regarderait optimalement un gouvernement qui serait responsable, jamais ferait pénaliser une population pour de l'incompétence. Dans le sens que la cible, vraiment le but, c'était de minimiser les dégâts par rapport à cette maladie-là, la COVID. Ça serait d'avoir investi énormément de temps, d'argent dans les hôpitaux, dans les ressources, dans les conditions de travail, dans les structures, pour responsabiliser les gens dans leur travail pour qu'ils puissent avoir plus d'autonomie, pour aller plus vite, pour fonctionner mieux. Mais là, il y a eu l'inverse de ça. Il y a eu des millions de dollars qui ont été donnés en subvention à des télévisions puis des médias pour propager un message qui finalement générait un climat de peur, puis d'angoisse, puis de stress. Puis ça dessert totalement la population. Tu sais, si quelqu'un sait comment que le corps humain marche, là, de la peur, tu penses-tu que c'est bon pour ton système immunitaire? Ben non. Ben, c'est ça, hein. Fait que c'est pas nécessaire de faire ça. Mais on l'a fait pareil. Fait qu'on a vu que si tu fais juste regarder où est-ce que l'argent est envoyé, puis où est-ce que les ressources sont envoyées, quand tu es en plein milieu d'une pandémie, puis tu dis les personnes non vaccinées, vous n'avez plus le droit de travailler. Hey boy! Tu sais, comment tu peux te permettre de renvoyer des gens qui, eux, Ouais, ont ben travaillé on va, pendant la première vague, c'est ça. puis il n'y en avait pas de vaccin, puis il n'y en avait pas de Là, on parle masque? déjà dans le domaine de la santé, là. Ben oui. Mais c'est ça a été horrible. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, eux autres? Ils sont menacés de perdre leur travail à cause qu'ils n'étaient pas ceux qui ne voulaient pas se faire injecter, alors que lors de la première vague, ils étaient présentés comme les anges, qui étaient les sauveurs qui allaient au front. C'est de la manipulation de A à Z. Toujours essayer de faire plaisir, mais finalement travailler contre la population derrière son dos. Fait que tu sais, mais non, pour moi, c'est rien de nouveau tout ça. Ça fait partie de la vie. C'est même avant la pandémie. C'est juste que la pandémie, ça l'a rendu plus évident. Puis ça nous a permis de voir aussi les gens qui étaient des alliés de cette machine-là. Tu sais, les gens qui vont être prêts à dénoncer son voisin. Puis Oh eux autres qui oui. vont appeler la police parce qu'il y a deux chars dans le parking dans le temps des fêtes. Tu sais, c'est tout ça que ça t'a permis de dévoiler dans notre société, puis les gens autour de nous autres, qui étaient vraiment solides. Puis moi, c'est drôle parce que je trouve ça pertinent, tout cet événement-là, parce que je regarde autour de moi, puis il y a beaucoup de gens qui ont flanché. Puis je me dis, bon, ben, Flancher dans chacun. quel sens? Ben, soit ils ont abdiqué, ils ont plié, se sont fait vacciner contre leur gré, ils ont été obligés de se coordonner à des mesures contre leur gré. Toutes sortes de choses comme ça que j'ai observées autour de moi, puis j'ai pas de jugement par rapport à ça. Chaque personne a sa limite. Mais ça a été intéressant de voir comment que les gens peuvent dire certaines choses, puis finalement, après un certain nombre de temps, quand que la pression est tellement rendue grande qu'ils craquent. Tu sais, Bernard en parlait de ça avant. Tu sais, c'est la capacité totale de ne pas craquer sous la pression. C'est ça le but, tu sais, mais c'est pas tout le monde qui passe ce test. Ouais, ben des initiés comme Bernard de Montréal, ça court pas les rues. Mais le point, ce que je peux dire, c'est que ça a été depuis les 2 dernières années l'occasion de voir comment que on peut composer avec des tensions sociales puis de la pression, puis à quel point on peut être influençable, astralisable, hypnotisable par les médias. Ben oui, tout à fait. Puis même dans les milieux de travail, tu sais, il y a des gens qui étaient comme, hey, là, mets ton masque, là. Ouais, mais on est juste ensemble, on n'a pas besoin de mettre ça. Il n'y a pas de police ici, il n'y a pas personne qui te regarde. Non, mais d'un coup que, tu sais, c'était toujours pendant des années de temps d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui va te chicaner, là. Tu sais, c'est tellement ridicule. Parce que, tu sais, si ça avait été intelligent ce que tu faisais, t'aurais pas eu peur de te faire chicaner, tu l'aurais fait par principe. Mais là, parce que le principe était tellement incohérent que les gens avaient de la misère à respecter, qui faisaient les affaires tout croche, que finalement, t'avais juste l'air d'être dans une mauvaise pièce de théâtre. Les gens portent les masques n'importe comment, juste pour dire qu'ils l'ont en face. Puis là, tout le monde est écœuré, fait que le monde a le masque en dessous du menton, puis c'est comme, au moins, tu l'as, puis... Tu sais, c'est quoi le rapport? Tu sais, ça a plus d'allure. À un moment donné, rendu Ouais, là, t'es mieux de, genre, jeter ça aux poubelles, puis là, arrêter de te ridiculiser. oui, non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais c'est sûr qu'il y a certaines personnes adoptaient le consentement d'apparence. C'est-à-dire que la personne porte le masque pour donner l'impression qu'il consent pour avoir la paix, pour pas se faire achaler par les autorités, mais dans le fin fond de lui-même, il n'y croit pas. Ben oui, puis je pense que la plupart des gens, c'était ça pendant la pandémie. Puis on le faisait par respect pour autrui. Tu sais, on allait chez Walmart pendant 10 minutes, on n'en faisait pas de maladie. Mais à la fin, tu voyais comment que les gens étaient écœurés. Puis tu sais, juste de dire, lundi prochain, le masque sera plus obligatoire. Puis là, il est mercredi de la semaine précédente. Puis là, t'es là, OK, fait que là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le masque, mais lundi, plus de masque. C'est juste ça, là. C'est assez pour dire, voyons, tabarnak. C'est quoi le rapport? Si tu dis que lundi c'est correct, on peut-tu l'enlever tout de suite? Ah, non, non, c'est lundi, c'est d'autres Non, qui lundi. décident. Pas la fin de semaine, parce que c'est la fin de semaine, on travaille pas. Fait que ça commence le next business day. Oui, ben c'est très arbitraire. À un moment donné, des Oh. couvre-feux à 8 heures. Après ça, il n'y a plus de couvre-feu. Tu sais, c'est des mesures qui sont liées à de l'ingénierie sociale. Puis ça a été un test de civilisation. Ça nous permet de voir, entre autres, que ce soit les Québécois, les Français, puis d'autres peuples en Europe, qu'on est essentiellement du monde docile et qu'on peut nous manipuler par la peur au niveau collectif pour en venir à soumettre à une forme de consentement social là, avec la machine médiatique puis de la propagande régulière. Mais on n'est pas autonome au niveau des ressources, puis on n'est pas autonome psychiquement, fait que c'est sûr que la manipulation est plus facile. C'est plus dur de manipuler des gens qui ont beaucoup de ressources puis qui ont de l'autonomie que des gens qui en ont moins. Fait que tu sais, quand tu vis dans une ville, puis t'as pas vraiment tout ce que tu connais, c'est ton confort, puis t'as besoin de ton confort, fait que t'es prêt à sacrifier certaines choses pour ton confort. Parce que tu vas pas dire, ah ben là, je vais tout laisser tomber, puis je vais aller vivre dans la rue parce que je veux pas respecter ces mesures-là. Il y a des, y a, à un moment donné, c'est un certain niveau de discernement de dire faire la aller vers le moindre mal. Mais tu sais, quand ils font tellement graduellement comme ça, c'est facile de s'embourber profondément, mais sans nécessairement avoir l'impression que on est rendu dans un grand mal, pas dans un moindre mal. Mais ça s'est fait tellement graduellement qu'à un moment donné, c'est là. Tu sais, je me rappelle, moi, l'hiver l'année passée, que je me demandais si j'allais pouvoir encore aller avoir le droit d'aller à l'épicerie. Ben, moi aussi, je me suis posé cette question-là. Tu Faut le sais, faire, là. Faut ben, le c'est ça. faire, là, d'être rendu jusque-là, là. Parce que moi, je voyais ça comme la prochaine étape. Tu sais, tu peux plus aller dans des magasins, tu peux plus aller à la SAQ acheter de l'alcool. Fait que là, progressivement, on te dépouille de l'ensemble de tes droits. Donc, à un moment donné, ben, c'était la question des biens essentiels, là. Si tu pourrais aller à l'épicerie acheter de la nourriture, là. Ben oui. Puis je comprends qu'il y a eu il y a du monde qui ont cédé rendu là, tu sais, c'était comme ah là c'est trop là. Ah, je suis plus capable. Mais moi je trouvais ça juste intéressant parce que ça me disait toujours intérieurement ça peut pas tu pourras jamais manquer toi. Inquiète-toi pas, tu manqueras jamais de rien. Puis là moi ce que ça me dit intérieurement comme ça, c'est qu'il y a tellement de certitude là-dedans que je me sens en paix avec ça. Fait que là je me disais, mais je pense pas qu'ils puissent aller jusque-là, puis du moins s'ils se rendent jusque-là, je vais aller à l'épicerie quand même parce que j'ai besoin de me nourrir. Puis je vais trouver une façon de rentrer puis de faire mon épicerie. Fait que j'étais pas inquiet, mais je pouvais voir comment que les gens commençaient à être terrorisés. Je me rappelle, j'étais avec mon ex à cette époque-là. Puis elle était terrorisée, là, mais elle voulait pas se faire vacciner. Mais tu sais, elle était prête à tout pour pas se faire vacciner. Moi, j'étais comme, bon, on verra où est-ce que la pression s'en va. Mais tu sais, si à un moment donné, c'est rendu que tu peux plus vivre en société, tu peux plus gagner ta vie, tu peux plus rien faire, puis t'es quasiment un mort-vivant. Mais peut-être bien que. Mais finalement, ça s'était pas avéré comme ça. Fait que on a vu que la pression était beaucoup plus moindre que ce que je m'attendais. Moi, je m'attendais à une pression énorme. Puis finalement, elle a été, oui, énorme, dépendamment des perspectives. Mais pour moi, je pense pas qu'on est allé au maximum. Là. T'sais, finalement, il y a eu comme un échec dans le mouvement. T'sais, le mouvement a perdu de momentum. Quand tous les gens étaient vaccinés pendant l'hiver, puis étaient malades, puis que le passeport vaccinal, c'était pour les gens vaccinés, mais les gens vaccinés étaient plus malades que ceux qui ne l'étaient pas. Tout ça a perdu son sens. Mais ça, Il y c'est a eu un comme autre une. aspect. Il y a des gens sur Internet, tu sais, je vais écouter des vidéos des fois d'André Pitt, qui disait que la vaccination avait un impact négatif en termes de pourcentage, dans le sens que plus la personne est vaccinée, plus qu'elle serait malade de la COVID. Tu sais, ça serait le contraire, au lieu de la protéger ou diminuer les impacts. Je veux pas embarquer dans une intention, parce que ça, je trouve que c'est un piège. OK. Moi, ce que j'ai observé, c'est que quand j'ai regardé les statistiques quotidiennes de Santé Québec sur Twitter, ben je voyais que au début, c'était le pourcentage de gens vaccinés, tu avais tant de risques de moins de le pogner. Quand tu étais vacciné, mettons, 5 fois plus de chances de contracter la COVID si tu es non vacciné. Ça, c'était ça au début. Puis à un moment donné, c'était rendu que tu avais plus de chances de la pogner selon la statistique d'un document officiel du gouvernement, vacciné que pas vacciné. C'est-tu avec l'INSPQ, l'Institution nationale de la santé publique du Québec? Exactement. Puis c'était le truc de Santé Québec. C'était le gouvernement qui faisait ça à chaque jour. Puis là, à un moment donné, ils ont enlevé cette statistique-là parce que là, c'était rendu, ben là, ça paraît pas bien, là. Il avait l'air fou. Fait que là, ils ont changé le graphique. Puis de semaine en semaine, ils changeaient le graphique pour toujours cacher le fait qu'il y avait beaucoup plus de cas dans les gens vaccinés doublement ou plus que tu étais vacciné, plus il y avait des cas. Puis moi, je suis pas en train de dire que le vaccin donnait la COVID. Je fais juste te dire, c'est ça qui était écrit dans les statistiques. Fait que là, à un moment donné, ça perd de la crédibilité. Quand tu regardes un truc comme ça à chaque jour, puis t'enlèves des données, puis tu crosses des données, tu fais genre, ben là, ben, qu'est-ce que t'essayes de me dire, dans le fond, là? T'sais, puis le vaccin, arrêtez d'insulter la population qui n'était pas vaccinée. Faites juste aller voir les compagnies pharmaceutiques, puis dites-leur, hey là, câlisse, vous faites un produit de marde. Vous faites un produit de marde. C'est pas la faute de la population, là. En ce moment, c'est de votre faute. Êtes-vous capable de faire de quoi qui a de l'allure? Soit vous faites un vaccin qui a de l'allure, ou soit vous lâchez prise. Parce que là, votre vaccin, ça fait rien pantoute. Puis là, les gens se faisaient toutes sortes d'idées. Ah, mais moi, j'ai été au moins, je vais m'isoler. Heureusement que j'ai été vacciné parce que ça m'empêche de développer la forme grave. Puis finalement, on ne sait pas vraiment c'est quoi la forme grave. Puis c'est-tu un choc post-traumatique? C'est-tu des gens qui sont pas en forme, que ça a affecté leur système nerveux? Puis là, ils en ont comme un burn-out. Tu sais, c'est quoi? T'sais, fait qu'il y avait tellement très peu d'informations, puis il y avait tellement d'incohérences en même temps, que je pense que ça l'a brûlé la population. Puis tu sais, toutes les alertes, le soir du 31 janvier, du 31 2 décembre, les décembre, oui, au affaires, là. Québec. Tut, tut, la grosse alarme en plein milieu de la Alarme nuit. rouge, comme si un enfant était kidnappé. Là, tu vois ça à la TV, ces téléphones intelligents partout, interdits de rassemblement pour le passage au premier de l'an. C'est pas gentil, tu sais, c'est juste pas gentil. Tu ferais pas ça à tes voisins, tu ferais pas ça à des gens que t'apprécies. Tu ferais ça à des gens que t'as de la haine envers eux. Fait que c'est ça qui est le problème avec tout ça. Puis je pense que même les gens qui ont voulu être de bonne foi, qui ont suivi les règlements, qui ont fait la vaccination comme ils étaient supposés, ils en ont plein leur reste de voyage. Parce qu'eux autres aussi se sont sentis trahis là-dedans. Tu sais, quand tu te fais doublement vacciner, puis tu te dis, OK, le vaccin, c'est la liberté. Puis là, tu as le droit d'aller dans un truc, dans un gym pendant 2 mois avant que finalement tous les commerces soient fermés, même avec le passeport vaccinal. C'est quoi la liberté, là? Tu t'es fait vacciner, tu as ton passeport vaccinal, puis là, tu essaies d'aller au gym et tu peux plus parce que le gym est fermé pour tout le monde. Mais il y a eu une éruption de cas à cause que il y a des gens qui ont été dans les commerces, mais c'était juste des gens vaccinés qui avaient le droit d'aller dans les commerces. Fait que Ouais, là, c'est c'est ça. comme. Fait que là, ils peuvent plus Hein? accuser les non-vaccinés. Fait que là, ça a plus de crise de bon sens, tout ça. Là. Puis là, t'as du monde qui ont plus de job, là. T'as du monde qui ont perdu leur job, ils peuvent plus travailler, là. Ouais. Puis là, pendant ce temps-là, ça sert à rien. Puis là, il y a. Tu sais, c'est comme. Hein? Fait que je pense que ça l'a. À un moment donné, on était obligé de back off parce que, à un moment donné, tout ça, là, ça faisait virer fou le monde. Tu sais, c'est comme tu suis les règles, puis on t'enlève tes droits. Quoi? Tu vas aller chez Costco, faut que tu fasses la file pendant 2 heures dehors, d'hiver, pour montrer ton passeport vaccinal. Puis là, t'as un gars en avant qui est sécurité. Tu sais, ça pote. Ça n'a pas de Puis bon sens, mais moi, on ce était qui... là, puis on voyait le monde, puis il attendait. Pas de problème. Ah, il faisait du téléphone en attendant. Tu sais, c'est pas grave. Tu sais, c'est ce qu'il faut. Ouais, mais la pire des choses que j'ai vues l'hiver passé, c'était au mois de janvier. Il faisait peut-être moins 30, puis t'avais des gens qui faisaient la file pour aller se faire tester, savoir sur la COVID. C'était Ouais, des ça gens qui c'était. étaient malades. T'avais genre un gars de 30 ans qui était interviewé. Il faisait de la fièvre. Il était dehors à moins 30. Merde. Ça me Tabarnak, rappelle la H1N1, la c'est... campagne de vaccination H1N1 là, aux galeries de Charlebourg là, t'avais du monde, des files de quasiment de 50-60 mètres à l'extérieur pour qui attendaient pour se faire vacciner contre la H1N1 qui toussait dehors. Tu sais, moi personnellement là, pour tout ce qui est proche d'une grippe, parce que tu sais les symptômes, on s'entend que ça s'est toujours rapporté un peu, peut-être pire dans certains cas, je comprends là, mais en général ça se rapportait pas mal à une grippe. Puis une grippe en passant, c'est quand même assez intense. C'est une vraie grippe, pas un rhume. Une vraie grippe, c'est une bonne maladie, tu sais. Fait que moi, je me disais, tu sais, je vais pas aller m'exposer dans des groupes et des rassemblements. Tu sais, faire des files l'hiver pour te faire tester contre. T'as-tu pogné le micron? C'est sûr que tu l'as pogné, tout le monde l'a pogné. Mais ça peut être d'autres choses aussi, mais le point, c'est que je trouvais ça un petit peu absurde. Tu sais, la personne est malade. Elle fait de la fièvre à 30. À 30, il fait moins 30 dehors. Faut qu'elle attende plusieurs heures pour se faire tester puis se confirmer qu'il est malade. Chris, si t'es malade, t'es malade. Tu le vois avec tes symptômes. Je Oui, mais comprends que... on a besoin de quelqu'un qui te le dit. Ouais, qui confirme. Bon, peut-être qu'il y a une question de papier à présenter à l'employeur que, bon, un diagnostic confirme que la personne a bel et bien la COVID pour justifier qu'elle soit absente du travail, je peux comprendre, mais je trouvais ça ridicule comme mauvaise gestion du gouvernement d'amener du monde à attendre dehors plusieurs heures parce qu'il manquait d'effectifs d'employés là, pour gérer adéquatement les lieux là, de testage. Là. Ah oui, puis tu sais, tout a été fait toujours en retard. Les autotests en retard, les masques en retard, les vaccins en retard, tout le temps en retard. Puis on est en retard aussi sur la nature dans le sens que on verra qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années, mais moi, la façon que je vois ça, c'est comme l'être humain en développant des vaccins par rapport à une souche. Bien, la minute qu'il développe le vaccin par rapport à la souche, le virus, c'est comme un joueur d'échecs qui a un coup d'avance sur lui. Bien, il a muté pendant ce temps-là, puis c'est plus valide. Ou très peu. Vacciner contre un virus ARN, c'est comme essayer de trouver, prédire où est-ce que l'électron va apparaître puis disparaître. Quand tu observes un électron, là, Oui. de savoir où est-ce qu'il va être, à quel moment, tu peux toujours à peu près prédire, mais tu peux jamais vraiment savoir à 100%. Fait que Non, c'est pas la même chose. exactement. Si on s'appuie sur le principe au niveau de la physique quantique d'incertitude de Heisenberg, là, Ouais. dans le sens que tu sais, tout peut apparaître ou disparaître, puis c'est au-delà d'une mécanicité au niveau physique qui permet d'évaluer les probabilités, là. On ne peut pas La avoir vie, de certitude absolue. c'est de l'intelligence. Le cosmos, c'est de l'intelligence. Ça fonctionne selon des lois qui sont immuables, des lois de perfection. Mais on oublie qu'on est rattaché à ça. Donc, on divise, puis on crée des problématiques avec la division. Puis de toute façon, l'involution, ça a servi à créer de la division pour complexifier un mental qui peut se réfléchir. Puis éventuellement, il va falloir unifier, ramener, faire les liens avec toutes les pièces décomposées qu'on a générées pendant l'involution. On va falloir qu'on fasse un whole package avec ça, t'sais. Une continuité avec ce package-là, puis qu'on soit capable de voir que c'est pas de la mauvaise foi, puis c'est pas méchant la vie, puis il y a une intelligence derrière chaque mouvement, qu'on le vive bien ou mal, ça n'a pas d'importance. On est toujours responsable de ça, de toute façon. Fait que, Ben dans encore la... là, responsable, encore faut-il être conscient pour avoir une responsabilité? Ben, tu peux, que tu sois responsable, tu sois conscient de ta responsabilité au niveau de l'ego, ou que tu ne sois pas, tu l'es pareil. Mais pour pouvoir répondre de Tu es quelque assujetti aux chose, conséquences. ben en fait, pour pouvoir répondre de quelque chose, il faut avoir la conscience, un minimum de conscience, c'est un petit peu comme des enfants, ils sont pas responsables parce qu'ils sont pas conscients totalement. Non, mais tu sais, tout ce que tu as dans ta pensée, tu n'en es pas responsable. T'en es assujetti, tu es assujetti par un courant de pensée. Fait que c'est ça qui devient un peu ton mouvement, tu sais, qui devient ta direction. Puis si cette direction-là, ben, est pas accordée avec la fréquence, si on veut, d'un mouvement qui est beaucoup plus vaste, mouvement terrestre, le mouvement de la nature, le mouvement des astres, ben, tu vis une certaine forme de dislocation, fait que la personne vit de la souffrance, puis elle génère elle-même des conflits dans sa vie. Oui, dans le sens que si elle est déconnectée du réel, puis elle est prise avec la pensée, puis elle croit que c'est elle qui pense, puis elle le prend de manière très personnelle, puis elle se polarise là-dedans, c'est sûr qu'elle va souffrir. Puis tu sais, elle va être responsable des conséquences de ce que ça génère. Que tu sois conscient des conséquences ou que tu n'en sois pas conscient, qu'il y en a toujours, tu sais, tu deviens un peu responsable de, tu sais, si tu as des pensées qui sont impulsives par rapport à des pensées de l'argent sur des choses qui sont pas nécessaires, puis que tu n'as pas de contrôle là-dessus, que tu sois conscient que tu as du contrôle ou non, tu es quand même responsable de la perte d'argent que tu vas vivre à cause de ça ou que tu n'avais pas les moyens de payer pour tel matériel, exemple. Ben, en fait, la personne, dans sa responsabilité, c'est de composer intelligemment avec la pensée, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs. Ben, c'est ça le problème. Parce que en ce moment, c'est pas le cas. Ben non, les gens ne On sont pas conscients s'attribue. de ça. Mais non, mais c'est ça. Fait que ça, là, c'est ce qui fait en sorte que faut qu'on lâche prise. Parce que tant aussi longtemps que l'individu ne saura pas qu'il est un radio qui reçoit des fréquences, puis que ces fréquences-là sont décodées dans son cerveau à travers des connexions électriques, comme de l'information subjective, ben la personne va toujours être victime un peu de ce mouvement-là, puis ça y crée une forme d'isolation. Ça crée un individu, un ego qui est envoûté psychologiquement parce qu'il est rattaché à une pensée subjective mémorielle qui est tout son passé, sa vie présente, puis il n'est pas capable de raccorder ça avec d'où c'est que ça vient. Mais la société va mal fonctionner tant aussi longtemps que ce raccord-là sera pas fait. Oui, puis ce raccord-là peut pas être fait tant aussi longtemps que les gens s'éveillent pas, mais souvent pour s'éveiller, il faut souffrir. Donc on en vient au point que la société doit connaître des crises multiples qui vont amener, dans certains cas, des gens à s'éveiller. Il y a peut-être des gens d'ailleurs pendant la crise de la COVID qui dure d'un peu plus 2 ans, qui se sont éveillés à des réalités qu'avant la crise, ça ne les intéressait pas. Oui, puis concrètement, ce que je pense, c'est que il faut s'occuper dans un day-to-day basis de trouver une façon de rendre son moment présent agréable ou utile ou nourrissant, t'sais, qui nous nourrit. T'sais, au-delà de tout ce qui se passe, puis du futur, puis de qu'est-ce qui attend l'univers, puis la conscience, puis tout ça, t'sais, de toujours être capable de, chaque jour, repousser un peu ses limites, repousser un peu ses... Faire un petit peu plus, tu sais, c'est comme ça te tente pas de travailler, mais tu te forces un peu puis tu travailles. T'sais. Tu fais quelque chose qui fait en sorte que tu vas mériter après une journée comme ça, une certaine forme de récompense, qu'il y ait un équilibre, un certain sacrifice, puis une récompense. Au lieu de se lever le matin et de toujours attendre des récompenses. Parce qu'on a un état d'esprit, on dirait, dans notre société qui, tous les jours, on veut une récompense. Fait qu'on va la chercher à travers toutes sortes de plaisirs, puis de divertissements. Mais on ne va pas chercher le sacrifice nécessaire pour que la récompense ait une valeur qui va nous nourrir. Donc, on est toujours un peu comme. Mais encore là, faut-il que ça passe par le sacrifice? C'est-à-dire que, dans le fond, ça peut être un plaisir de vie de repousser ses limites, que ce soit au niveau de l'entraînement physique, au niveau de quelqu'un qui fait une œuvre d'art ou qui va écrire un livre. Mais je veux dire qu'il faut que la personne soit capable de passer à travers une certaine tension. Tu sais, mettons que t'as exprimé quelque chose à quelqu'un, puis là, tu es dans un groupe d'individus, puis tu sais qu'il faut que tu parles. Mais dans ce moment-là, tu vis une tension parce que tu as peur de parler, mais il faut que tu sois capable de passer à travers cette tension-là, puis de communiquer ce que tu as communiqué. Puis c'est ça que je veux dire. C'est comme sortir un petit peu, De sa zone de d'aller dans confort. la zone de confort, mais d'être capable de générer de la tension. T'sais, tu ressens quelque chose, tu es mis en vibration, quelqu'un dit quoi, tu veux dire quelque chose, mais tu as peur. Es-tu capable de confronter, pas confronter la peur, mais de prendre un risque, de mettre un pied en avant dans le vide, puis de dire, OK, j'ai quelque chose à dire, je ne sais pas comment ça va sortir, mais je vais le dire demain. Puis on ajustera au pire après. D'avoir un certain lâcher-prise sur son ego, puis de ne pas se prendre trop au sérieux. D'être capable de faire face au ridicule, de faire face au conflit, de faire face à n'importe quel genre de situation, mais de toujours avoir un fond qui veut que les deux personnes finalement se rassemblent vers la fin. C'est dans le sens que si y a une altercation, le but c'est une résolution. Fait que quand tu as toujours un mouvement de résolution en toi, ben là au moins il peut avoir un travail qui se fait de façon un petit peu plus utile. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que s'il y a une volonté de travailler avec une autre personne dans le cadre du principe de l'amour, c'est-à-dire l'amour d'autrui ou son respect, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, il peut y avoir des divergences qui peuvent être exprimées, que la personne va au-delà de la peur, mais dans un souci que son propos soit ajusté pour respecter la sensibilité d'autrui. Ouais, puis pour être capable de fonctionner à partir du principe de l'amour, ça prend une grande force intérieure. Oui. La plupart des gens, pourquoi ils peuvent pas fonctionner à partir du principe de l'amour, c'est l'absence de force intérieure. Parce que ça requiert une grande intelligence. Parce que pour aimer, il faut que tu aies beaucoup d'intelligence. Il faut que tu sois capable de voir au-delà de toutes les formes, puis de comprendre c'est quoi qui est là, puis d'être capable de l'aimer, ou du moins d'être capable de raisonner avec, de vibrer exactement qu'est-ce que l'autre vit. Puis d'avoir une certaine forme d'empathie vibratoire. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de recul. Il faut être capable d'être complètement désengagé émotionnellement de la situation. D'où l'importance d'avoir des relations saines autour de nous, hein. Parce que chaque personne est à l'extérieur de nous-mêmes, en quelque sorte, a toujours une perspective externe. Fait qu'elle est capable toujours un peu plus que toi de traiter froidement avec tes problèmes et vice-versa. Fait que ça, c'est toujours bon. Ben, c'est bien de bénéficier de l'intelligence d'autrui. Ça a été d'ailleurs l'une des raisons qui m'a amené à interviewer au fil du temps plein de personnes pour être capable de bénéficier d'un éclairage différent de certaines personnes par rapport à des événements, là, que ce soit la crise sanitaire ou autre. Ben oui, puis ça semble toujours tendre à vouloir s'unifier. Ben, ça dépend. Si on parle avec quelqu'un qui est pro-mesure ou quelqu'un qui est contre, ou tu sais, il y a différentes perspectives, là. Mais ça va toujours se ramener à un point que c'est une personne qui va souffrir. Quelqu'un qui est extrême dans une position, c'est quelqu'un qui souffre, qui a quelque chose en lui qui n'est pas respecté. Fait que tu sais, s'il allait profondément, ah, je me sens pas respecté là-dedans. Je me sens limité, je me sens dominé. Mais dans le fond, ce qui le domine, c'est la forme autour de lui, oui, mais la forme fait résonner quelque chose qui le domine intérieurement. Puis essentiellement, quand on a regardé dans ce conflit-là, chacune des parties pro ou contre les mesures vivait un peu le même phénomène. Mais c'est sûr que dans les deux cas, les gens pouvaient vibrer à la peur. La peur pour ceux qui sont pour les mesures de se faire contaminer par le virus. Puis ceux qui étaient contre les mesures, c'était peur, c'est la peur de perdre leur liberté. C'est de la peur. Oui, c'est toujours de la peur. En même temps, ben, c'est de regarder les fondements. C'est sûr qu'on était rendu à un stade que ça prend un passeport pour aller au magasin à 1 $. On était rendu loin. Ben oui, puis on était capable de. Moi, en tout cas, j'ai été capable de couper dans plein d'affaires pour permettre de continuer de bien vivre. Puis ça n'a rien changé dans ma vie. Ben, ça a Puis changé. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. à un moment donné, j'étais obligé de commander mes ampoules sur Amazon parce que j'avais plus le droit d'aller dans une quincaillerie. J'ai fait bon, ok. On va commander ça sur Amazon d'abord. Tu sais, c'est comme si tu trouves ça plus intelligent, ben. Puis la prochaine fois, tu penses que je vais venir te voir? Non. Fait qu'il y a plein de places que ça me tentait plus d'aller après. Puis finalement, ben, je réalise maintenant que je consomme pas beaucoup de choses que la société me donne. Tu sais, je consomme beaucoup plus des places naturelles, des montagnes, des rivières, des choses comme ça qui coûtent rien que ce que la société a à m'offrir. Parce que la société, ce qu'elle a à m'offrir, c'est toujours conditionnel. Puis il faut toujours que ça leur sert eux d'abord, puis nous après. Fait que tu sais, il y a toujours un petit peu du non-dit, tu sais, derrière un petit peu tout. Là, tu vas dans un restaurant, puis ah, ben on a pris du processed food, là, tu sais, on a essayé de sauver de l'argent là-dessus, puis t'en as d'autres qui font pas ça. Mais tu sais, t'as toujours un espèce d'élan de profiter, tu sais, de profiter d'autrui, là. Fait que ça nous l'a fait voir vraiment beaucoup, là. Oui, bien, c'est sûr que le système capitaliste en tant que tel, quand on en regarde ça, c'est une dynamique de l'exploitation à différents niveaux. Tu sais, à un moment donné, je m'étais arrêté à réfléchir par rapport au restaurant, dans le sens que quelqu'un va dans un restaurant, ils vont donner, en fait, du pop-corn gratuitement. Bien, c'est plutôt un restaurant-bar, là, mais le pop-corn est très salé. Ce qui va faire en sorte que ça va donner la soif, puis les gens par la suite vont consommer, là, que ce soit de l'alcool, de la bière ou de la liqueur. Ouais. Donc, c'est pour stimuler la consommation. Puis on sait très bien que quelqu'un qui boit de l'alcool, ben ça déshydrate. Puis si la personne enchaîne un verre par-dessus un verre en buvant de l'alcool, en essayant de se réhydrater, mais elle se déshydrate de plus en plus, c'est un peu un cercle vicieux. Ouais. Ben non, mais tu sais, c'est ça. Puis les gens, ils qu'ils soient conscients ou non du comportement, ben, tu sais, il faut savoir que chaque compagnie a le droit de faire ce qu'elle veut en termes de manipulation, mais ça, c'est à l'aide de ne pas être manipulable. Tu sais, moi, mettons, je vais dans un restaurant comme ça, puis ils me donnent du popcorn, je vais te dire, je vais te prendre de l'eau, s'il te plaît. Puis tu bois une gorgée d'eau, tu manges du popcorn, tu bois une gorgée d'eau, tu manges du popcorn. Oui, c'est ça. Quelqu'un peut alterner, mais sinon, on va donner de la nourriture qui est anormalement sucrée dans certains restaurants rapides, sciemment. Pourquoi? Ben parce que le sucre appelle le sucre. Le Ben sucre, c'est oui. sans fond. Donc, plus que tu manges du sucre, surtout des calories vides, que ce soit des beignes ou autres, ben c'est fait de manière à ce que ça rassasie pas, puis que tu en prennes de plus en plus. Comme ça, la personne en consomme de plus en plus, puis ça leur permet de faire le plus d'argent possible. Ben oui, puis il y a une clientèle pour ça aussi. Parce qu'à un moment donné, après un certain point, c'est pas tout le monde qui va consommer cette nourriture-là, tu sais. La façon que je vois ça, c'est tout est comme calculé, programmé, ou à un moment donné, l'effet contraire. J'ai été à un buffet à volonté et on servait des grands verres d'eau froide de manière à couper la faim. Fait que là, Ben oui. on donne ça au départ, des gros verres d'eau froide, puis c'est à volonté. Donc, à différence des autres, on veut diminuer ta consommation. Pourquoi? Ben, parce que si tu manges beaucoup un buffet à volonté, c'est moins rentable pour le restaurant. C'est ça. Le truc, c'est de rester longtemps. Tu manges un peu de quelque chose, tu recommences à manger, tu prends un break, tu recommences à manger. Moi, je me rappelle quand j'allais dans les buffets chinois quand j'étais plus jeune, je me disais toujours, bon, là, il faut que je rentre dans mon argent. T'sais, c'était même pas moi qui payais, t'sais, c'était ma mère qui payait pour le buffet, mais je me disais, faut que je mange pour plus que 20$. L'objectif, c'est de manger, tu sais, au lieu de profiter puis de manger ce que tu veux, ben, tu te dis, faut que je mange pour plus que 20$, c'est drôle pareil. Non, exactement. Mais sinon, ben, c'est sûr, ça va être un dossier à suivre dans les prochaines semaines. Moi, j'ai conservé mes masques au cas où qu'on nous revienne une fois les élections passées le 3 octobre au Québec, avec une 8e vague, là, avec une augmentation du nombre de cas qu'on va nous dire là, en se rapprochant du temps des fêtes. Ouais, la saison 8, on va commencer la saison 8 de COVID. Ben, c'est ça, il y a comme des previews, hein. Tu sais, il y a quelques semaines, il y a déjà des spécialistes qui parlaient là, de la possibilité d'une autre vague à l'automne. C'est comme on annonce, tu sais, la nouvelle série, en fait, de, tu sais, il y a des téléromans, là, puis il y a plusieurs saisons. Puis là, on nous annonce là, la prochaine saison, ça va ressembler à quoi, là, pour préparer les esprits, pour les conditionner. Le problème, c'est que la saison 1 puis 2 était déjà pas très bonne de ce téléroman-là. Puis là, finalement, on est rendu à la saison 8. Puis il est comme obligatoire, le téléroman. Fait que je sais pas s'ils pouvaient peut-être annuler leur contrat de diffusion, là. Ça serait vraiment intéressant. Oui, exactement. Donc, on compare avec des téléromans. Je sais pas, peut-être que dans 3 ans, on va se parler. Puis ah, on est rendu à la saison 28. La 28e vague de COVID, et c'est pas fini. Ah, écoute, moi, j'entrevois très mal que ça reste là-dedans. Il va falloir qu'il trouve autre chose. Faut qu'il. Ah ben en Parce Europe, que. on le voit. Moi, une des possibilités que je vois pour les mondialistes de garder le contrôle, là, ils influencent les États-nations pour les politiques très restrictives de la COVID. Mais là, ça va être la menace des changements climatiques ou à cause de la guerre en Ukraine, la difficulté à s'approvisionner. T'sais, Exact. on a vu au Québec qu'est-ce qui s'est passé au printemps dernier. Le coût de l'essence est dépassé 2 $. On a parlé de 2,22 $. Ça a plus que doublé en quelques mois. Or, on n'est pas approvisionné par la Russie ici au Québec, là. T'sais, je veux dire, on dit, ah, c'est la guerre en Ukraine qui amène ça. Mais ben oui, mais à un moment donné, il faut être lucide aussi. Le pétrole, il vient pas de la Russie ou de l'Ukraine, là, qu'on consomme ici. Ouais, mais tu peux dire n'importe quoi puis monter les prix, puis c'est une bonne excuse. Exactement. Mais là, disons l'étude pilote, puis je salue en passant s'il y a des Européens qui m'écoutent, ça va être sur leur terrain, là. Là, on va dire aux Européens qu'il va falloir qu'ils se privent avec des mesures de contrôle, voire peut-être même l'imposition d'un passeport sanitaire. Il y a eu un passeport vaccinal, mais là, ça serait un passeport climatique. Puis on veut sauver l'environnement aussi en même temps pour réduire la consommation de pétrole, puis en lien avec la menace la menace, oui, la menace écologique, mais je veux dire la guerre en Ukraine, on va dire, ah, on va être obligé de rationner là, à cause qu'on n'est pas approvisionné adéquatement là, en énergie, à cause qu'ils n'ont plus accès au gaz naturel venant de Russie. À vrai dire, moi, je commence à trouver les sujets de discussion politique qui commencent à être très ennuyants. Moi, je t'en ai d'entendre parler de l'Ukraine, puis de la COVID, puis de la politique. Il y a tellement plus que ça dans le monde à étudier puis à observer que ces événements-là qui ont, oui, ont une importance, mais c'est petit là, dans le spectre des choses, là. Tellement de choses plus pertinentes à discuter que ça, Oui, wow, en bout de 100 % ligne. d'accord. C'est parce que dans le fond, aujourd'hui, je voulais bénéficier un peu de ton éclairage là, par Ah, mais je rapport à parlais pas des par rapport enjeux. à toi non plus, Non, hein. non, mais c'est Mais. correct. Des enjeux contemporains, mais il y a des choses beaucoup plus utiles. Comme moi, si j'ai du temps de cervelle, je l'utilise pour étudier des trucs en lien avec la santé. Par exemple, l'épigénétique. Ensuite, aussi, il y a des découvertes intéressantes qui se font présentement là, au niveau médical. Tel que. Bien, tu sais, je regardais au niveau du fait que de plus en plus, c'est reconnu, bien, entre autres, l'épigénétique, j'avais fait il y a quelques semaines une capsule par rapport à ça. C'est-à-dire que, dans le fond, oui, l'être humain est déterminé génétiquement en partie par rapport à l'héritage des parents, donc toute la programmation génétique qui vient des ancêtres, mais c'est une certaine quantité, mais il n'y a pas juste ça. Ben non, T'sais, c'est la sûr. question de l'hérédité, c'est vraiment limité. Puis ce qui va faire qu'il va s'exprimer ou non des gènes par rapport à des gens qui ont le même bagage génétique, c'est le comportement individuel, c'est les croyances des individus, c'est leur état psychique, et ainsi de suite. Donc, on a un certain pouvoir d'agir. Puis en lien avec ça aussi, le déterminisme de l'expression des gènes par rapport à l'environnement, c'est que quand il y a eu la crise du verglas au Québec, c'était vers le début des années 2000, eh bien, il y a des femmes enceintes qui étaient extrêmement stressées lorsque c'est survenu. Puis c'est normal aussi, là, des problèmes d'approvisionnement en électricité, ce qui a fait en sorte que les bébés qui sont nés par la suite, il y avait plus de problèmes d'anxiété. Ben oui, tout à fait. Donc, ça, c'est dans le négatif, l'épigénétique qui va amener des gènes plus anxieux. Peut-être que ça va être la même chose par rapport aux bébés qui sont nés pendant la période de la crise de la COVID, si les mères étaient anxieuses. Ça déteindrait sur les enfants. Mais ça peut être aussi plus constructif dans le sens que si la personne, justement, a un état d'esprit qui est sain, ben à ce moment-là, ça peut favoriser la santé puis la vitalité de l'individu. Ben ça, je me suis toujours posé la question pourquoi avec les gens avaient des doutes sur les fondements de ça, parce que je me rappelle dire dans le temps que j'étais dans mes débuts dans l'entraînement, de dire tu peux moduler ta génétique à travers tes actions. Puis le monde me disait, ben non, la génétique, c'est prédéterminé, puis c'est de même. Oui, mais j'ai dit, si tu changes ton environnement complètement, je dis pas que tu vas passer d'un bond de l'humain à une autre sorte d'humain, mais il va y avoir des changements de tes conditions nerveuses, organiques à différents niveaux, qui vont faire en sorte que si, mettons, tu étais dans une famille dans le sud des États-Unis, en embonpoint, qui mange, qui est pas en santé, puis tu déménages dans un autre pays, puis tu changes complètement de mode de vie, puis tu te reproduis avec une personne qui vit le même mode de vie que toi, qui est sain dans un autre pays, ben, il y a bien moins de chances que ton enfant devienne obèse que si tu restes dans le même. Tu sais, c'est comme, c'est des conditions sociales. Moi, j'ai quasiment l'impression que c'est plus des conditions psychiques qui génèrent des changements. Tu sais, parce que dans le fond, on est des êtres avec des champs magnétiques, puis qu'est-ce qu'on dégage est dans notre champ magnétique. Fait que, comme tu dis, s'il y a beaucoup d'anxiété, puis une personne qui a un bébé qui est en gestation, ben, il va avoir un impact au niveau du développement parce que la personne est dans un état de stress physiologique. Exactement. Mais tu sais, il y a d'autres variables aussi, là, dans le sens que, ben, moi, je vais parler de ce que je connais très bien. En fait, mon père, qui est décédé, du cancer, alors qu'il avait l'âge de 45 ans, lui, il avait un jumeau. Et son jumeau, lui, il a plus le sens de l'humour que mon père. C'est un oncle que j'ai, puis il riait. Puis tu sais, pour lui, la vie était moins stressante. Or, mon père était plutôt de tempérament anxieux, perfectionniste. Et pourtant, les deux ont le même bagage génétique et il est encore vivant, là, mon oncle. Mon père est décédé là, d'un peu plus de 20 ans déjà. La différence entre les deux, c'est qu'en dépit du même bassin génétique, vu qu'ils étaient jumeaux, l'attitude psychologique était différente, le rapport au monde était différent. Et ça m'a comme donné une preuve que finalement, le déterminisme génétique, qui a été souvent pointé du doigt comme étant le principal élément qui déterminait la santé ou la longévité de l'individu, ben ça, c'était une croyance qui était erronée. Ben oui, parce que tu peux avoir deux corps matériels de la même famille qui ont une génétique similaire, mais c'est deux psychismes complètement différents. C'est pas le même individu, là. C'est pas des jumeaux qui sont nés en même temps. Bien, C'est une dans le cas de mon différence. père, les deux, ils sont c'était des jumeaux, puis je sais pas Ah, si c'est des c'était jumeaux? dans. Oui, c'est ça. OK. Je sais pas si c'était identique ou non, par contre, mais on s'entend que des jumeaux, ça a plus de proximité génétique que si c'était deux enfants qui étaient nés à un intervalle là, de plusieurs années. Donc, à ce moment-là, si on le bagage génétique quand même très rapproché, puis les deux n'ont pas attrapé le cancer au même moment, c'est parce que quelque part, il y a une différence là, qui a sans doute modulé l'expression des gènes. Puis là, moi, j'attribue ça à de l'épigénétique, c'est-à-dire l'état psychologique qu'avait chacun des deux individus qui aurait une incidence sur la dimension physique. Ben, c'est le bagage, à quelque sorte, le bagage de l'âme. Oui. Tu sais, l'âme est modulée d'une certaine façon à percevoir une réalité d'une certaine façon, puis une autre âme, elle perçoit d'une autre façon. Fait que quelqu'un peut avoir une prédisposition génétique à un cancer. En fait, les deux peuvent avoir une prédisposition génétique au cancer, mais la vibration de l'un n'est pas exactement la même que l'autre parce que sa perspective par rapport à la réalité est d'emblée différente à partir de la naissance. Même si le bagage génétique physiologique est le même, si la perspective est différente, le génétique va pas se faire de la même façon. Plus un individu développe la conscience puis intègre l'énergie, là, moins son corps il fonctionne comme il fonctionnait auparavant. Ben, c'est sûr, ça va transmuter le corps, les cellules. Les cellules vont être imprégnées du taux vibratoire changeant. Exactement. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que la personne va être en santé pour autant, dans le sens que il y a des gens qui étaient très conscients, si on pense à Bernard de Montréal, et pourtant il est décédé d'un cancer. Oh, mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas d'importance qu'est-ce que la personne vit sur le plan matériel. C'est le raccord entre l'esprit puis l'ego qui est important. Une fois que le raccord est fait, peu importe les conditions physiques que la personne peut vivre, l'ego va toujours être supporté par son esprit, puis ça va pouvoir lui permettre de comprendre les événements, d'avoir les ressources nécessaires pour y faire face, même dans la mort. Mais ça, les gens le réalisent seulement proche de ces moments-là, puis si quelqu'un n'a pas vécu ça, ben c'est difficile pour lui de comprendre. Non, exactement. Mais c'est sûr que l'épigénétique, en tant que science nouvelle, est en train de bousculer là, les croyances là, par rapport à toute la programmation génétique et à l'hérédité. Tu sais, remettre l'hérédité en contexte, parce que moi, j'ai l'impression que pendant plusieurs décennies, ça a été, son influence a été surévaluée auprès de la population qui voyait la génétique comme étant une fatalité, c'est-à-dire l'hérédité dans le sens que, ah, ben, si tu as des gens de ta famille qui sont morts du cancer, ben, ouais, tu vas probablement mourir toi aussi du cancer, tu sais. Il y a des probabilités plus élevées, mais ça ne veut pas nécessairement dire que si tu agis pas d'une certaine façon, ça peut repousser, voire annuler la possibilité de développer ça. Exactement. Parce que le plus grande empreinte génétique, dans le fond, c'est bien plus les habitudes psychologiques du milieu familial. C'est ça qui crée un pattern de fonctionnement dans l'individu qui peut être malsain ou non, dépendamment. Il y a ça, mais aussi tout le conditionnement social qui vient des médias pour nous amener à adopter certaines mesures de comportement de consommation. Mais c'est tout lié. Tu sais, c'est tout lié. Exactement. Tu commences l'autorité des parents quand tu es jeune, après ça, c'est les profs, après ça, c'est ici, puis c'est ça. C'est un pattern de toujours. Il y a toujours une autorité au-dessus de moi. Fait que tant et si longtemps qu'il y a une autorité au-dessus de toi, ben, t'es limité. Fait que ça crée des patterns de comportement qui peuvent créer des tensions dans l'individu, qui vont l'amener à agir d'une façon ce que elle peut mettre en sa santé en péril ou améliorer sa santé dépendamment. Fait que, Bien, tout mais. dépendant si l'autorité est bienveillante ou pas, dans le sens que si tu as un coach qui accompagne quelqu'un pour s'entraîner davantage, ben là, c'est sûr qu'il peut en bénéficier. Tandis que si c'est des médias qui disent aux gens de manger des publicités, en fait, qui disent aux gens de manger des chips, puis ils font la promotion de la malbouffe, ben là, ça risque de dégrader la personne. Mais c'est évident, mais le problème est toujours d'abord le fait qu'on donne de l'autorité à quelque chose qui est à l'extérieur de nous-mêmes. Il ne Oui. s'agit pas de dire, ah, oh, c'est moi l'autorité suprême. C'est de toujours faire passer l'information par sa propre autorité d'abord pour vérifier si c'est cohérent avec nous ou non. Puis après ça, prendre une décision. Tu sais, de mesurer la compétence d'un coach, de quelqu'un, tu devrais le faire à partir de observer la personne, est-ce qu'elle est cohérente de ce qu'elle dit versus ses gestes. Est-ce qu'il y a un mouvement utile dans ce qui est fait? Est-ce que ça me rejoint? Mais tu sais, c'est pas de dire ah, oh, cette personne-là connaît ça, fait que je vais l'écouter. Mais ça limite la personne à sa propre individualité. Oui, ben là, elle tombe dans la croyance. Hein. Si la personne étudie le coach, ou ça peut être n'importe quel individu, ça peut être un prêtre, ça peut être un politicien aussi, puis étudier ses comportements, puis à regarder vibratoirement qu'est-ce que c'est, ben là, c'est différent comme approche. Ben, c'est ça. Puis tant et aussi longtemps qu'on va penser que c'est nous qui pensons, ben, on va être pris là-dedans. Parce que ça vient de tout ça, dans le fond. Ben, ça vient de la naïveté, puis de la psychologie de l'ego, qui, par orgueil, se croit tout-puissant, alors Mais que... croire, ça sous-entend automatiquement un manque à l'information. Tu dois croire quelque chose parce qu'il te manque quelque chose. Ben, à défaut de savoir, la personne a quoi? Ben, c'est ça. Donc. Il va y avoir de la croyance tant ou si longtemps que les gens vont penser que c'est eux qui pensent, parce que quand si toi tu penses tes pensées, ben tu reçois un nombre limité d'informations. Donc quelqu'un arrive avec l'information qui est plus avancée, qui fait du sens pour toi, mais que tu ne peux pas vérifier, ben t'abdictes. Parce que ça fait l'affaire de ton ego, ça fait l'affaire de tes émotions. Tu te sens reconnu, tu te sens accepté. Fait que tu prends ce courant-là de pensée. Puis là, tu crées une identité autour de ça qui finalement peut être limitée parce qu'elle n'est pas vraiment réelle. Elle est basée sur une perspective biaisée de la réalité, tu sais, de dire ah, il faut absolument faire ça pour l'environnement parce que sinon ça va être la fin du monde. Quand dans le fond, c'est pas nous qui contrôlons quoi que ce soit au niveau de l'univers. On peut faire du mieux qu'on peut contribuer, mais il faut lâcher prise sur les résultats parce que La Terre, elle est ici depuis beaucoup plus longtemps que nous autres, là. Exactement. Puis moi, c'est sûr que l'histoire, parce que là, probablement qu'on a eu la lutte au COVID, là, internationale, avec des mesures de contrôle liberticides. Et là, c'est sûr que les mondialistes pourraient utiliser le prétexte comme fenêtre d'opportunité, de la menace climatique pour contrôler davantage les comportements individuels, surtout, si on se ramasse entouré, d'appareils où, toute, la consommation est marquée. Tu sais, si tu utilises une auto électrique et ton kilométrage est marqué, puis via la connexion de l'auto à un système informatique, on peut surveiller à distance combien tu te déplaces, sur combien de kilomètres tu te déplaces à chaque semaine. On peut dire, ah, non, toi, tu te déplaces trop, il va falloir que tu diminues ta consommation. Tu sais, ça Ben pourrait oui. en venir à ce stade-là. Ça va venir à toutes sortes de stades, mais essentiellement, la Terre va fonctionner adéquatement tant et aussi longtemps que l'évolution humaine ne sera pas terminée. Parce que la Terre arbore l'être humain pour une expérience qui est cohérente avec la Terre. La Terre bénéficie d'expériences humaines, puis l'humain bénéficie d'expériences terrestres. Fait que ça va continuer tant et aussi longtemps qu'il y a du travail à faire. Que ça Ben, fasse la notre Terre affaire a ou non. bénéficié. Ça pourrait être sujet à discussion, ça. Tu sais, je veux dire, peut-être qu'il y aura un stade où la Terre sera détruite. Apparemment, Mars aurait été, dans le passé, une planète qui aurait abrité la vie. Et suite à des guerres entre des peuples extraterrestres, ça aurait été détruit. Puis là, aujourd'hui, on voit une planète morte. Une planète morte. C'est quoi une planète morte? En tout cas, au niveau physique, on voit pas d'être se promener là, puis de civilisation, puis de bâtiments, là, en fonction. Ben, je comprends, mais chaque chose en son temps. T'sais, dans le sens que s'il fut une époque, moi je ne peux pas vérifier cette information-là, qu'il y a des extraterrestres qui se sont battus sur Mars, mais si, advenant le cas, ça serait une réalité, ben la planète, elle a servi un but pendant une période de temps, puis là maintenant, elle ne sert plus ce but-là, elle sert un autre but. Puis là, nous, elle sert un but pour une période de temps, parce que, tu sais, depuis 3 milliards d'années que la Terre existe, puis qu'est en constante mutation, puis qui change, puis il se passe toutes sortes de choses, puis éventuellement, la nature prend un essor, puis là, il y a un cataclysme qui fait en sorte que ça fait un frein à l'évolution, puis après ça recommence. Tu sais, c'est quoi la Terre qui meurt? Tu sais, la Terre, elle peut pas mourir. C'est un centre d'énergie. Non, ben, de toute façon, moi, la façon que je vois ça, c'est que l'être humain arrête ou non de polluer, la Terre est déjà soumise à des cycles. Dans le passé, des réchauffements, des ères glaciaires en yo-yo, il y en a déjà eu. Exactement. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que l'être humain qui arrête ou non de produire du gaz à effet de serre en grande quantité, la Terre est soumise pareil à des cycles qui vont l'amener à connaître une modulation significative de la météo. Donc, moi, la façon que je vois ça, c'est que l'être humain qui pollue ou qui pollue pas, de toute façon, la Terre a alors une fluctuation importante de son état, en termes de température qui s'opère au fil du temps. L'humain, il s'en va vers être obligé de fonctionner de plus en plus de façon autonome. Il y a une pression dans la nature qui va faire en sorte que les gens vont devoir être capables de s'adapter, puis d'être autonomes dans leur adaptation, puis d'être capables de fonctionner bien seul, mais avec d'autres personnes. Je pense qu'il y a un mouvement qui s'en va vers ça, à travers justement peut-être une contrainte au niveau matériel. On le voit au niveau des finances, on le voit au niveau de certaines choses. Il va falloir retourner encore plus à l'essentiel Ben, pour éviter de gaspiller. s'il y a une période d'inflation, comme je t'expliquais en début d'enregistrement, c'est que les gens, ben, si on pense à l'alimentation, là, ça me fait rire, mais c'est pas drôle en même temps, que la personne, ça y tente ou pas d'être végétarienne, si le coût de la viande augmente drastiquement, ben, la personne n'aura comme pas le choix. Fait que là, elle va manger d'une manière végétarienne parce qu'elle n'est plus capable de se payer de la viande. C'est pas parce qu'elle croit au végétarisme, c'est juste que. Le contexte la force à modifier son mode alimentaire parce que le plus l'argent pour se le payer comme avant. Moi, j'en mange pas de viande, mais ça serait pas une raison pour moi d'arrêter de manger de la viande si j'en mangeais. Si pour toi, ton épicerie, c'est important de manger ce que tu veux, puis que pour toi, c'est la priorité, ben tu vas couper ailleurs. Essentiellement, c'est sûr que certaines personnes doivent couper dans certaines choses, mais tu sais, si tu vis dans une certaine simplicité, ben t'en as de l'argent de lousse pour combler les augmentations de coûts, là. T'en fais pas de maladie, là. Tu fais comme, ben oui, c'est vrai que ça coûte cher maintenant. mais c'est ça le prix à payer pour avoir envoyé de l'argent dans le système pour rien. Exactement, mais le point, ce que je voulais dire, c'est que les mondialistes et leur politique peuvent faire en sorte qu'on va orienter les gens pour arrêter de manger de la viande, on va orienter les gens pour qu'ils mangent à la place des insectes. Ça, c'est pas le best. Ben moi, c'est ça que je doute des insectes, mais en tout cas, c'est sûr que c'est. Tu sais, tous les deux, on vit en Amérique du Nord, là. Historiquement, les gens ne mangeaient pas des insectes, mais même des gens comme en Afrique ou en Asie qui pouvaient manger des insectes, je ne sais pas à quel point ça peut être nutritif. Moi, j'ai jamais eu la vibration de manger des insectes. Ça m'a toujours dit intérieurement non. Je sais pas si j'ai raison ou non, mais intérieurement, moi, quand je voyais ça, ça me... j'avais pas la vibration de manger ça du tout. C'était pas appétissant, ça m'appelait pas. Je sentais pas que c'était nutritif. Mais l'important, c'est de s'écouter. C'est sûr qu'au niveau culturel, il y a des gens qui vont dire, ben là, tu as un préjugé culturel parce que tu n'as pas grandi en mangeant des insectes. Alors Peut-être. que si dans ta culture, tu aurais mangé depuis ton enfance des insectes, ça serait un petit peu aussi naturel pour toi de manger des insectes que, par exemple, manger du sirop d'érable, là. Peut-être, mais en même temps, il y a des choses que je mangeais quand j'étais jeune que je mange plus parce que ça me convient pas. Exactement, mais tu sais, il y a des choses comme, mettons, manger de la viande rouge. Ça, j'en mangeais pas ou j'aimais pas ça, en fait, avant que l'Organisme mondial de la santé déclare il y a quelques années que ça pouvait être cancérigène. Écoute, y en a-tu des affaires qui sont cancérigènes, tu penses? C'est sûr que manger de la chair d'un animal mort qui a souffert, c'est peut-être pas la meilleure chose que tu peux mettre dans ton corps, mais il y a plein de conditions qui vont rentrer en ligne de compte qui vont faire en sorte que quelqu'un va générer un cancer. De là à dire que la viande, ça cause directement le cancer, c'est comme Ben, eux autres, scandaleux. ils parlaient de gens qui consomment de grandes quantités de viande, puis Mais c'est surtout c'était à des gens qui ont partir des d'une. systèmes digestifs qui ne fonctionnent pas bien. Ben, on en revient à l'idée du terrain, c'est-à-dire que tout est reçu selon la forme du récipient. C'est qu'il y a de l'excès, ouais. Ben, c'est un petit peu comme la menace du virus. C'est sûr, si la personne est immunosupprimée, elle risque de l'attraper plus fort le virus que l'autre qui a un bon système, puis. Il va parcourir à chaque jour 5 ou 10 km. Puis t'avais du monde immunosupprimé qui pognait le virus puis il développait pas de symptômes parce que le corps était tellement épuisé, t'es pas capable de développer de symptômes. Ah, tu vois, tu m'amènes un aspect auquel je n'avais pas pensé. Il y a toutes sortes d'affaires qui s'est passé pendant cette pandémie-là, des trucs mystérieux. C'est comme à croire que le corps, il vivait qu'est-ce qu'il avait à vivre par rapport à ça. T'sais, tu peux pas dire, ah, ça automatiquement égale ça. Non, il y avait plein de situations qui venaient que tes données étaient contredites. Des situations où que, oh, personne n'a développé pas de problème parce que son corps combattait déjà d'autres choses, fait qu'il n'y avait pas d'énergie allouée à ça, fait que le virus est passé free. Puis d'autres personnes, mais qui développaient des symptômes extrêmes, puis du monde qui manquait d'air, puis du monde qui avait besoin d'un respirateur, tu sais, toutes sortes de niveaux de corps qui réagit avec un stress environnemental. Oui, bien, tout est reçu selon la forme du récipient. En parlant de respirateur, moi, j'ai une grand-mère qui est âgée de 98 ans. Et lorsque on a dit qu'elle a attrapé le coronavirus, c'est sûr qu'elle était fragilisée, elle est atteinte du cancer du poumon. Mais comme elle a 98 ans, c'est peu probable qu'elle meure de ça. Elle va peut-être mourir d'autre chose entre-temps, là, parce que rendue âgée, les cellules se reproduisent plus lentement. Donc, ça devient moins probable qu'elle meure du cancer, puis il va probablement se développer lentement. Mais compte tenu qu'elle était fragilisée au niveau du poumon, il a fallu qu'elle ait un respirateur. Par contre, j'ai connu des gens de mon âge ou de ton âge qu'eux autres l'ont attrapé et puis n'ont pas eu besoin de respirateur, là, t'sais, surtout des jeunes, là. Ben oui, puis il y en a du monde à 40 ans qui en avait besoin, puis c'était du gros n'importe quoi, là. Tu sais, c'était du cas par cas. Oui, exactement. Ben, moi, ça m'a ramené au principe de Béchamp qui avait été énoncé à l'effet que je vais essayer de leur dire comme il faut que le virus ou la bactérie est rien et le terrain est tout. Exact. Mais ça, c'était pas populaire. Le monde n'aimait pas ça. Il aimait mieux Louis Pasteur. Oui, c'est ça, entre les deux penseurs, entre Béchamp et Pasteur, Pasteur a eu plus de popularité. Mais avec le recul historique, probablement que son adage, avec son principe que je viens d'évoquer, là, c'est ça qui tient plus la route. C'est ça. Puis ça, c'est la responsabilité de chacun de se prendre en main, là. Oui, c'est sûr que tu es beaucoup dans la responsabilisation individuelle à travers ton discours. C'est sûr que ça tranche un petit peu avec les mesures très collectivistes et interventionnistes, voire infantilisantes qu'on a connues depuis 2 ans là, de la part du gouvernement. Quoique dans les derniers mois, il y avait eu quand même une espèce de retour du balancier dans le sens que Christian Dubé, ici au Québec, avait déclaré que c'est aux gens à se responsabiliser, plus pour ça là, que le port du masque était plus obligatoire. Ben, tant mieux. Ça aurait toujours dû être comme ça. T'sais. Et puis Ben les gens moi, puissent depuis le porter des vrais départ, masques qui fonctionnent, ben pas des. depuis moi, ouais, c'est ça, depuis le départ, j'aurais laissé ça dans le fond à la volonté discrétionnaire des gens là, de porter ou non des masques. Puis par rapport à la gestion des différentes mesures, parce que d'imposer ça mur à mur, moi je trouve que ça a été un abus d'autorité de leur part. Ben oui. Mais c'est typique la façon d'agir d'une personne qui n'a pas d'énergie. Imposer à grande échelle au lieu de prendre le temps de discerner les parties de la population qui sont nécessaires. Parce que dans le fond, récemment, j'ai été au restaurant avec des gens, puis parmi eux, il y avait une personne immunosupprimée. Puis là, quand cette personne-là était à proximité d'autres personnes, il portait le double masque. Puis moi, Ben. c'est sûr que je respectais ça, là, si ça y appartient. Ben oui, c'est. Mais ça aurait été mieux pour eux d'étudier un masque adéquat pour cette situation-là, puis de le porter correctement pour vraiment se protéger pour vrai. Au lieu de faire des simagrées, puis d'avoir l'air d'eux, mais dans le fond, finalement, ça reste que c'est des dogmes, là. Tu sais, c'est comme genre, ah, oh, il y a un vampire, là, faut-tu mettre de l'ail dessus? Tu sais, c'est comme, c'est quoi le rapport? T'sais, si vous promenez avec des gousses d'ail dans le cou, on t'aurait dit ça prend des gousses d'ail dans le cou, ça t'en prend deux. Puis un masque en arrière pour protéger les directions à 360 degrés. Puis le monde aurait fait ça. Puis il aurait eu l'air d'une gang de jambons, mais il aurait dit ben c'est ça qui marche. Parce que quand tu expliques n'importe quoi avec un raisonnement logique, même s'il n'y a aucune logique, ben certaines personnes peuvent abdiquer puis faire ah ben ça fait du sens. Exactement. Mais c'est sûr que par rapport au masque, il y a différentes catégories de masques. Il y a le masque artisanal, il y a le masque de procédure, il y a également le N95 ou le N95. C'est sûr que ce serait lui, de ce que j'ai compris, qui serait le plus efficace là, par rapport aux différents types. Ben, c'est ça. Puis moi, j'ai pas vu personne avec des N95 durant toute la pandémie quasiment. Fait qu'ils viennent pas me faire chier avec le masque. Tu portes même pas le bon masque, puis tu viens me faire chier avec ça. C'est toi qui as peur. Non, mais tu sais, franchement, le manque de respect, tu sais. Non, non, mais c'est un petit peu ironique, là. Mais les masques N95, j'en ai vu une fois de temps en temps, mais c'est plusieurs mois après le début de la pandémie. Puis encore là, c'était plutôt rare, là. Ben oui, exactement. Puis c'était toujours des gens qui portaient des masques la plupart du temps, n'importe comment. T'sais. Des gros trous à grandeur. Puis des plexiglas, puis tout. Puis finalement, t'sais, c'est un virus par aérosol. Fait que c'est beaucoup d'incohérences qui a été au début un petit peu à pic à digérer, mais avec le temps, ça devenait comme une comédie, là. Oui, mais tôt ou tard, les masques devront tomber. Et à un moment donné, il y aura sans doute une enquête indépendante là, qui devra être faite là, sur qu'est-ce qui s'est passé dans les CHSLD, les résidences de personnes âgées, où ce que des gens sont morts de soif, de faim, à cause de la mauvaise gestion là, des résidences. Selon la CAQ, il faut continuer dans cette direction-là. Ben oui, leur slogan en période électorale, c'est « Continuons ». Là, il y a quelqu'un qui avait repris ça sur Facebook et disant « Continuons la mauvaise gestion des résidences de personnes âgées. Continuons la destruction de l'économie du Québec avec l'endettement massif qu'a engendré là, toutes les coupures des commerces, là, puis tu sais, la dégradation de l'économie. » C'est sûr qu'il y a des commerces qui ont fait faillite, qui ont fermé dans les derniers mois. Ben oui, mais c'est juste. Ouais, mais on fait de notre mieux. Au moins, on fait de notre mieux. Ben oui, tu fais de ton mieux. Tu te nuis, là, mais tu fais de ton mieux. Tu sais, c'est ça le problème, là. T'sais, on est pogné dans ça. Ça va être dur de sortir de cette affaire-là, là. Oui. Sinon, ben, c'est un petit peu la même chose en Europe, là. Ils disent, oh, on sanctionne les Russes. Là, tu prépares les gens à manquer d'électricité ou que ça leur coûte une fortune, leur facture pour l'hiver. Mais, ah, oh, non, non. C'est comme on va gagner la guerre avec des mesures de même. Non, non, franchement. Mais, moi, j'ai l'impression que si les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas accès à l'électricité dans les prochains mois en Europe, en hiver, ben, ils vont blâmer les Russes, puis ça peut mobiliser les gens pour créer un consentement social pour entrer dans une guerre plus vaste. Parce que là, on est au stade, après de l'équipement défensif, c'est de l'équipement offensif. Après des formateurs, ben là, la prochaine étape, c'est d'envoyer carrément des soldats. Ouais, mais là, il y a plus grand monde qui ont le goût de se battre. Là. Les gens sont rendus tellement lâches aujourd'hui. Tu penses-tu qu'ils ont vraiment le goût d'aller se tirer dessus? Là? Ben, écoute, moi j'ai l'impression que s'ils se font priver puis détruire leur pouvoir d'achat dans les prochaines semaines en Europe, ou quelqu'un en hiver, que des. Ce que j'ai entendu parler, c'est que c'était dans le pays de la Suisse qu'il est possible qu'il y ait des coupures d'électricité qui surviennent dans les prochaines semaines à cause de problèmes d'alimentation. Ben, c'est sûr, si la personne a se fait couper l'électricité en hiver, c'est raide. Peut-être, puis là, on va lui dire, ah, c'est de la faute de la Russie, là. Fait que là, il y a peut-être des gens qui vont être mobilisés pour aller faire la guerre comme ça, puis créer un consentement social, alors que les gens en Europe, depuis après la Première, Deuxième Guerre mondiale, ne voulaient plus rien savoir de la guerre. Mais là, si on détruit le confort ou la qualité de vie des gens, en détruisant là, toute comment on pourrait-on dire, le niveau de vie qu'ils ont atteint depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y en a peut-être qui vont être partie prenante. Ouais, sûrement, mais en même temps, ça va servir absolument à rien. Ça va juste nuire encore plus à leurs conditions de vie. Bien, ça va servir à certaines forces qui se nourrissent de la guerre. Tu sais, l'industrie de l'armement, que ce soit la Russie ou que ce soit l'Ukraine qui gagne, s'ils réussissent à vendre aux deux camps des missiles ou des drones, ben, ou des chars d'assaut, ben, c'est eux autres qui en poche, qui en profitent. Oui, mais tu sais, il y a une limite à tout ça. À un moment donné, ça prend de l'énergie pour faire une guerre, puis le monde n'a plus l'énergie pour ça pantoute, là. On leur brûle la chandelle par les deux bouts, là. Toutes les sphères de la société, l'humain est en train d'être comprimé. Puis là, tu vas leur dire, va te battre. Voyons. Les gens sont à bout, là. Ils veulent la paix. Les gens, ils veulent la paix. Ils font tout pour Ben, avoir la paix. Fait qu'ils vont ouais. pas aller prendre des guns puis aller s'entretuer pour des pays qui les regardent pas pantoute. Je suis pas sûr de ça. Tu sais, après la Première Guerre mondiale, les gens disent « Oh non, non, on veut plus de guerre en Europe, plus jamais », puis des beaux discours pacifistes, puis finalement l'Allemagne prenait de l'expansion. Ils ont pris de l'expansion, puis à un moment donné, ben, ils ont intervenu pour freiner l'Allemagne, puis ils ont entré en guerre. Mais c'est une autre génération. Ouais, mais moi, dans le fond, comment qu'on a été naïf dans les 2 dernières années en lien avec la gestion de la crise, en voyant le comportement de troupeau des gens qui acceptaient de présenter un passeport pour aller au restaurant ou aller au cinéma. Moi, j'ai l'impression que les mêmes personnes, si on leur lave le cerveau efficacement avec une propagande médiatique, que les mêmes personnes vont accepter les mères de famille d'envoyer leurs enfants aller se battre en Ukraine ou t'sais, des choses que normalement ils accepteraient pas, mais là, on va leur dire, ah, c'est à cause de la Russie. C'est tout le temps à cause de la Russie. L'Ukraine, eux autres, non, non, ils n'en font pas d'attaques sur des civils dans la partie, une partie, le Donbass, là. Apparemment que, en tout cas, il y a des sources alternatives, là, si je pense à Anne-Laure Bonnell, là, sur le web, elle a dit, depuis 2014, les responsables de l'Ukraine bombarderaient les gens qui veulent se séparer, là, les séparatistes. J'entrevois très mal que les gens aient l'énergie pour aller combattre comme ça. T'sais, c'est déjà un conflit qui a perdu tellement de momentum. Il n'y a plus l'air d'avoir ben ben de monde qui ont. T'sais, c'est parce que c'est des conditions de vie qui n'appartiennent pas à notre temps. T'sais, à l'époque, aller à la guerre, c'était comme. Il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas autant d'informations. T'sais, aujourd'hui, le monde. Tu vois-tu le monde qui sont chez Walmart en ce moment, là, aller au combat, là, au front, là? Tu vas faire quoi avec ça? Ça va être de la chair à canon. Ben, c'est Tu ça sais, ça que. prend de l'entraînement, là, pour ça. Faut que tu mettes du monde dans l'armée, puis il faut qu'il y ait de l'énergie, faut qu'il y ait un vouloir, une intention, faut que les gens soient convaincus, là. Tu sais, c'est pas très convaincant, hein? Qu'aujourd'hui, on a une force médiatique décuplée, à différence de la Première ou Deuxième Guerre mondiale, dans le sens que lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les journaux et la radio. Dans ce que là, aujourd'hui, tu as non seulement les journaux, tu as la radio, tu as l'Internet, tu as les tablettes, tu as le téléphone intelligent, comme on l'a vu avec les alertes rouges qui nous relaient de l'information. Donc, la façon de programmer les esprits et les embrigader est nettement plus grande aujourd'hui qu'il y a quelques décennies. Évidemment. Moi, je ne ferme pas la porte à ça. C'est-à-dire que, bon, c'est sûr que des gens qui vont peut-être nous écouter vont dire, ben là, tu exagères là, de penser que des gens vont se faire enrôler dans l'armée ou quoi qu'il y ait eu déjà des volontaires, tu sais, des pays avoisinants qui ont été à l'Ukraine parce que les médias ont dit, ah, c'est eux autres les victimes pour aller les sauver, entre guillemets, contre les Russes, qui sont C'est présentés comme des minoritaire. méchants. Oui, c'est présentement, c'est minoritaire, mais moi, ce que je dis, c'est que si les gens en Europe, dans des pays qui ont civilisé, perdent du pouvoir d'achat, du confort. Tu sais, si la personne est plus capable de payer son loyer, ou il faut qu'elle vive en commune avec d'autres personnes en logement pour être capable d'avoir un niveau de vie décent, tu sais, qu'il y a un niveau de frustration qui est atteint. Un peu comme, par exemple, avant qu'il y ait la Deuxième Guerre mondiale, les gens en Allemagne avaient une dette extrêmement élevée. Suite à la Première Guerre mondiale, qui devait rembourser, le taux de chômage était élevé, dégradation de la valeur du mark, la monnaie allemande, du niveau de vie, ce qui a fait que c'était le terreau fertile pour que Hitler tire profit de la situation puis il monte en puissance. Exactement. Mais là, ça peut être la même chose. T'sais, si la personne elle se fait couper l'électricité ou ça coûte plus que le double pour s'approvisionner en énergie, puis on dit tout le temps c'est de la faute de la Russie dans tous les médias, puis tout discours opposé. Et tasser des médias de masse, ben là, c'est sûr qu'à un moment donné, la personne va dire qu'il va falloir faire la guerre, là, ou elle va vouloir s'impliquer davantage. Peut-être, mais je penserais pas que ce soit une grande majorité. On verra qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois. En effet. Par rapport à ça va être un dossier à suivre. Puis, c'est sûr qu'en même temps, ben, c'est encore une espèce de prélude, c'est la façon que je vois ça. À l'agenda mondialiste, c'est-à-dire que on va amener les gens au nom du prétexte de la guerre à se restreindre au niveau des comportements en disant ben là, faut vous consommer moins d'énergie. Puis là, c'est sûr que ça devient comme légitime de surveiller la consommation individuelle d'électricité, et ainsi de suite. Ben oui, puis c'est toujours un petit peu moins de droits, un petit peu moins de liberté que d'habitude. C'est pas nouveau, ça. Moi, je vois ça depuis que je suis né. De plus en plus de restrictions. Toujours, tu sais, avant, tu pouvais te promener là, t'as plus de droits, il y a une pancarte interdit. Bon, OK. Mais là, momentanément, on a retrouvé nos libertés Bon, on a retrouvé depuis nos 2 ans. libertés, on a retrouvé des choses de base. Oui, mais là, je peux aller au cinéma. Lors de cet été, j'ai été au cinéma voir un film de Jurassic Park qui est sorti, là. Ouais. Mais dans le fond, ben, en passant, quand j'ai été au cinéma, j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai vu un couple de personnes âgées porter le masque, mais il enlevait le temps de se mettre le pop-corn dans la bouche. Tabarnak. Puis après ça, ils remettent le masque. Ils prennent une bouchée de pop-corn, ils enlèvent le masque, ils s'en mettent, puis ils portent le masque, puis eux autres devaient penser qu'ils étaient protégés. C'est capoté. Capoté, man. Mais sinon, le film est intéressant parce qu'il y avait le concept qui était amené dans ce film de Jurassic Park de 2022, parce qu'il y en a plein hein, de films depuis 1994 qui ont sorti, mais la particularité, c'est qu'on nous exposait le scénario. Qui avait un laboratoire. Ben là, s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, qui ne veulent pas le savoir, mettez l'enregistrement sur pause. Mais je voulais t'amener à parler de ça parce que je trouvais ça pas fou, parce qu'il y a comme une réalité plausible derrière ça. C'est que dans le film, il y a un laboratoire qui aurait développé une sorte de grillon qui, dans le fond, il est modifié génétiquement, mais il est programmé pour ne pas s'alimenter. De plantes qui sont modifiées génétiquement. Ah oh, ouais. Oui, mais c'est intéressant comme concept, c'est-à-dire que toutes les récoltes qui ne provenaient pas des graines de la compagnie se faisaient toutes dévorer. Ils étaient toutes ravagées, mais le grillon qu'ont créé génétiquement modifié ne s'en prenait pas à certains types de graines. Il était immunisé contre ça. Donc à ce moment-là, imagine si une compagnie décidait de développer un insecte qui ravage tout, sauf ce qui, les graines qui sont génétiquement modifiées pour qu'elles ne soient pas appétissantes là, par rapport à l'insecte. C'est sûr que là, on s'en va pas dans une bonne direction quand on commence à essayer de jouer à Dieu, puis de contrôler l'environnement, puis la nature. Chaque civilisation qui a joué à ce jeu-là en a payé des grandes conséquences. Oui, exactement. Mais je veux dire, c'est un scénario qui est quand même plausible. Si on pense à Monsanto, qui a modifié génétiquement des graines, pour résister là, par rapport à certains insectes. Et ils ont fait breveter ça. Puis là, à ce moment-là, ben, ça leur donne un marché. Et c'est sûr que les modifications génétiques avec le développement aujourd'hui, entre autres avec le développement du CRISPR, qui permet, dans le fond, de carrément là, de faire de l'édition de gènes. Donc, on est à un point de sophistication technique qui va faire en sorte que peut-être éventuellement, on aura des insectes qui vont être programmés pour s'en prendre à certaines récoltes puis d'autres pas, tu sais. Ça se pourrait. C'est complètement fou de penser à des affaires de même dans le sens de quelqu'un qui voudrait créer ça. Tu sais, c'est comme tu vois comment qu'on est déconnecté, hein. Oui, mais en même temps, il n'y a rien qui me surprend, dans le sens que l'avarice que peut avoir l'être humain, son désir de faire de l'argent, peut l'amener à faire des modifications génétiques ou autres, utiliser toutes les technologies à ces fins-là. Ça va le conduire à sa perte. C'est sûr que c'est une possibilité. Parce que ça ne peut pas faire autrement. Parce que tu divises ton environnement, tu t'éloignes de ton environnement, puis tu crées des conditions pour que ton environnement t'auto-détruise. Parce que détruire son environnement, c'est se détruire soi-même. Tu parlais de l'épigénétique. Si ton environnement est toxique, toi, tu es toxique. Fait que tu vois qu'il n'y a pas de conscience dans ce mouvement-là, malheureusement. Non, exactement. Mais on est en une période de... Parce qu'autrefois, c'était les OGM, mais une génération plus tard, c'est carrément l'édition génétique. Ça peut être par rapport à une plante, un insecte. Puis on travaille là, directement là, à ce niveau-là aujourd'hui. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on est de plus en plus dans des formes de manipulation du vivant. Et tout ce développement technique-là me fait penser, c'est sûr, à la théorie des anciens astronautes qui ont visité la Terre, mais surtout aux êtres qui auraient probablement créé l'être humain actuel, le mot sapiens, sapiens, suite à des modifications génétiques. Écoute, si tu regardes les magnitudes des univers, puis tout ce qui existe, puis de savoir depuis combien de temps que ça existe, si t'as juste des races d'intelligence qui ont évolué un peu plus vite ou plus tôt que nous, ça doit être incroyable, l'histoire réelle de l'univers, tu sais, pas celle qu'on se fait raconter nécessairement, mais tu sais, de vraiment, parce qu'il y a beaucoup de données qui nous manquent, il y a beaucoup d'informations, tu sais, on est capable d'étudier la matière, mais on a de la misère à étudier le vide. Tu sais, ce qui est absolu, dans le fond, c'est tout le vide, c'est tout l'espace qui remplit tout, qui permet aux planètes d'exister, aux étoiles d'exister, aux univers, aux galaxies d'exister. Puis ça, on a très peu de conscience par rapport à c'est quoi cet espace-là. Fait que peut-être qu'il y a des civilisations qui sont conscientes de cet espace-là, puis qui sont capables de traiter avec, puis ça leur permet de pouvoir communiquer, travailler différemment de nous autres, puis nous, on est très, très jeune dans notre développement, fait qu'on est limité à un univers purement matériel. Fait qu'on parle des choses d'une certaine façon. Moi, je pense que c'est plausible. Beaucoup plus plausible que ce que certaines personnes peuvent penser que l'homme descend du singe. Ben, moi, je suis de l'avis que l'être humain, dans un lointain passé, a été créé par des êtres qui sont venus sur Terre. Et là, je vais rejoindre la théorie qui a été amenée là, par Zacharia Sitchin, qui s'est intéressé aux écritures cunéiformes là, par Ouais. rapport aux gens là, de Sumer, les anciens écrits de Sumériens, ou il y a Anton Parks aussi récemment là, qui parle de ça. C'est l'idée que des extraterrestres seraient venus sur la Terre et eux autres, ils avaient besoin de main-d'œuvre, mais ils avaient besoin que la main-d'œuvre soit pas aussi intelligente qu'eux. Donc, ils auraient créé, entre autres, des êtres humains pour faire le sale travail, comme de l'exploitation minière et recueillir, entre autres, des métaux, comme de l'or. Et eux autres sont organisés pour qu'on soit plus limités qu'eux, puis on leur servait d'esclaves dans un lointain passé. Ben écoute, ça se pourrait parce qu'on sert des animaux comme esclaves, puis on a toujours cette forme de hiérarchie-là. Fait qu'à travers l'histoire, tu sais, nous, on le prend personnel. Nous, on n'est pas des esclaves d'autres races, là. Franchement, nous, on est l'être ultime. Tu sais, c'est plus l'ego qui est affecté par ça, hein. Tu sais, moi, je le regarde objectivement, je me dis, ben si on le fait à tellement de niveaux, pourquoi pas quelque chose qui est supérieur à nous autres serait capable de faire la même chose? Supérieur sur le plan technique, pas nécessairement sur le plan moral, Ah oh, parce oui, que exact. dans Ben oui. les écrits anciens, c'est sûr que si on regarde l'Ancien Testament de la Bible avec le Dieu vengeur, t'sais, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé entre autres avec Noé, où il n'aimait pas sa création, fait qu'il a voulu détruire le monde en engendrant un déluge. Mais ce que je voulais dire, c'est que ma compréhension des découvertes techniques qu'on fait présentement, comme la capacité de l'être humain à manipuler le vivant, manipuler le génome, voire de faire de l'édition génétique, m'amène à penser que si l'être humain est rendu au stade de faire ça, ben, c'est possible que dans un lointain passé, il y a des êtres qui aient fait eux-mêmes des manipulations génétiques sur l'être humain. Exactement. Logiquement, ça ferait du sens. Ben, si on est capable de le faire, ça se peut qu'il y en a d'autres qui soient capables de le faire aussi. C'est ça. Donc, ce qu'on appelle les pseudo-mystères liés au passé, s'éclairent de plus en plus, tu sais, en lien avec la création de l'être humain, puis ces choses-là. Puis, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, un peu comme quelqu'un qui a eu des mauvais parents, ben, l'être humain a reproduit des comportements qui est en relation avec certains vont les appeler les initiateurs primordiaux, mais en tout cas les êtres qui auraient engendré l'être humain, dans le sens que ces êtres humains, dans un lointain passé, étaient gardés en esclavage en Atlantide ou dans la civilisation de Sumer par rapport à des êtres qui venaient du cosmos, bon, ben, par la suite, il y a des êtres humains qui en ont rendu d'autres esclaves, si on pense à la situation entre autres des Noirs au sud des États-Unis, où les gens d'Angleterre utiliser ces individus pour faire l'exploitation du coton. Ben oui. Donc, des êtres rendent l'être humain esclave, puis l'être humain rend d'autres êtres humains esclaves, ou l'être humain rend les animaux esclaves. Il y a comme toute une chaîne de commandement où une reproduction du comportement de domination est faite d'un palier à l'autre. Ben oui, puis c'est toujours lié au manque de raccord avec la source, tu sais, dans le sens que quand tu es esclave d'autres personnes, c'est qu'à quelque part, tu es déconnecté de qu'est-ce qui est l'ordre des choses. Tu sais, les gens sont pas là pour être utilisés, sont là pour collaborer. Puis pour collaborer avec quelqu'un, au lieu de lui imposer une façon de faire, ça requiert du respect, ça requiert plus de travail. Tandis que quand quelqu'un a du pouvoir, ben, il n'a pas besoin de demander l'avis de personne puis de s'assurer que ça fait l'affaire de tout le monde, il fait juste imposer. Exactement. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ces êtres-là extraterrestres qui seraient venus dans un lointain passé, que ce soit entre autres, parce que je regardais un petit peu, là, il y a Anton Parks, sa compagne, là, Anaëlle Parks, qui ont écrit des livres là, par rapport à ça, Zacharias Sitchin, là, donc, tu sais, il y a une certaine mouvance là, par rapport à ça. Ouais. Moi, la façon que je vois ça, c'est que probablement que l'être humain, dans un lointain passé, a été dominé, exploité, puis aujourd'hui, nos dirigeants sont un petit peu les successeurs de ça, c'est-à-dire qu'ils vont reproduire les mêmes comportements de domination. Ben oui. Et c'est ça, c'est la chaîne, si on peut dire, involutive là, qu'on connaît, vient de ça, entre autres, là. C'est la descente de la lumière dans la matière. C'est le plan astral. C'est tout ça. Ça a un rôle d'évolution très important, mais à un moment donné, comme là, on commence à être sur la fin de ces temps-là, je ne sais pas dans combien de temps, mais on voit qu'il y a comme une détérioration, une prise de conscience qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans. Là, c'est pas utile, ça limite, ça empêche l'humain de continuer son travail puis d'avancer. Mais ça va être là, ça a un rôle à jouer. Oui, dans un sens, tout sert, mais c'est sûr qu'à quelque part, quand je regarde ça, tu sais, on met en place des technologies qui éventuellement nous rendent esclaves. Ça, c'est de l'esclavagisme à un autre niveau, là, avec des algorithmes, ce que certains vont appeler l'intelligence artificielle. Donc, tu as des êtres humains qui programment des machines, qui vont ensuite programmer l'esprit des êtres humains avec des algorithmes là, sur le web pour leur dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils consomment ou quelle vidéo qu'ils écoutent là, sur le web. Ça, c'est vraiment, c'est tannant, ça. Je m'ennuie de l'ancienne façon de faire de la recherche sur Internet qui était beaucoup plus, t'avais beaucoup plus d'accès à l'information. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu dirigé, là. Tu sais, c'est dur d'aller chercher exactement ce que tu as de besoin, là. Faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu as de besoin. Faut que tu cherches volontairement. Oui, parce que tu es orienté involontairement en fonction de certains contenus. C'est ça, là. Puis c'est sûr que ça me fait penser sur Netflix un documentaire qui s'appelle Social Dilemma, donc le dilemme social en français. Mais il n'est pas traduit comme ça le titre, là, mais ça revient à ça. Mais Ouais. le concept, c'est que les gens qui ont fait des programmations d'algorithmes pour garder les gens accros par rapport à certains réseaux sociaux, eux-mêmes, dans certaines mesures, ont été pris au piège. Entre autres, le témoignage de quelqu'un qui, de jour, il travaille là-dessus, puis le soir, il y avait un problème parce qu'il passait ses soirées sur les réseaux sociaux. Ben oui, parce que ça touche l'émotionnel. C'est que tout le monde a de l'émotionnel. Ben, c'est ça, tout le monde peut être manipulé. Ben oui. Puis la façon que c'est fait, c'est que leur objectif, c'est que les gens passent un maximum de temps sur les réseaux sociaux parce qu'à ce moment-là, ils peuvent être exposés au maximum à de la publicité. Ben oui, puis c'est ça. Puis même les gens qui possèdent beaucoup de richesses puis qui ont beaucoup d'avoir, sont exposés au même genre de problématiques aussi, hein. Très peu sont ceux qui sont libres de ça, du moins pas dans la grosse machine en tout cas. Non, exactement. Mais c'est ça, il en paye le prix à un certain niveau. Mais tout ça, c'était comme une prise de conscience à travers cette vidéo-là. S'il y a des gens qui s'intéressent, vous pouvez aller voir le Social Dilemma là, sur Netflix, du fait que les gens deviennent esclaves des réseaux sociaux, puis des gens qui ont participé à les mettre en place sont venus à un point de dénoncer les limites de ça, là, puis de vouloir dire, ben là, il ne faut pas dépasser un certain nombre de temps là, par jour, là, parce que sans ça, ça devient la cyberdépendance. Ouais, puis tu sais, il faut toujours, ça dépend du niveau de conscience de la personne, mais pour être cyberdépendant à du contenu aussi médiocre, c'est pas tout le monde, là, tu sais. Moi, ça serait dur pour moi de devenir cyberdépendant de quelque chose. Le contenu que je vois sur les médias sociaux est tellement peu pertinent que j'ai pas le goût de rester là plus longtemps qu'il faut, là. Mais si des gens trouvent intéressant, exemple, les choses comme TikTok, puis qu'ils sont addicts à ça, ben. Ça démontre aussi qu'il y a un manque d'intérêt pour des choses beaucoup plus importantes. T'sais, si tu trouves que passer 8 heures par jour à regarder des vidéos en continuité, des vidéos qui n'ont pas vraiment de lien les uns avec les autres, qui ne te servent pas, qui ne t'amènent pas plus loin dans ta vie, ben tu sais, peut-être parce que tu n'as pas vraiment d'intérêt, tu n'as pas vraiment de direction qui fera en sorte que tu pourrais contrer ce mouvement-là, si on veut. Je pense que si quelqu'un qui a une direction qui est forte, il va être sur les médias sociaux, mais il va être moins victime. De leur effet pervers. Ben, c'est-à-dire que si la personne a une vie, la personne, elle s'occupe parce qu'elle a un enfant, des choses à faire, ben, c'est sûr que c'est peut-être qu'elle va passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Sais, c'est évident, je vois beaucoup de jeunes, moi, surtout quand je travaille l'été, puis j'ai des jeunes à job, sont beaucoup devant leur écran de téléphone, puis je regarde ce qu'ils regardent, puis c'est TikTok, puis des vidéos un après l'autre, puis. Eux autres, ça a l'air de captiver leur attention, mais moi, ça me captive absolument rien. Fait que ça veut juste dire que leurs intérêts sont à la mesure de ce contenu-là, là. Oui, ben T'es ça. addict parce que t'aimes ça, c'est tout ce que tu connais, c'est ça qui t'intéresse, mais il y a bien plus des choses bien plus intéressantes que ça, là. Ben c'est sûr qu'il existe d'autres choses, mais encore là, c'est sûr que c'est confortable de rester dans sa zone de connu. Puis c'est ça, des fois je trouve ça drôle parce que je vois m'entraîner en salle, puis avec les années, ben j'ai vu la croissance des gens qui vont avec le téléphone intelligent. Donc là, t'as quelqu'un qui fait une série, ensuite il regarde le téléphone intelligent, une autre série, le téléphone intelligent. Ouais, puis ça crée un environnement qui est très coupé, tu sais, dans le sens que c'est comme si les gens se permettent plus de juste être là puis errer, là, tu sais, regarder n'importe où puis d'être là, tu sais, d'être dans le moment présent puis d'attendre. C'est genre, dès qu'il y Exactement. a de l'attente, il faut qu'on en regarde de quoi pour faire comme si on était occupé, là. C'est ça, il faut se remplir. Les gens ont de la difficulté à contenir le vide, puis ont besoin d'être hyper stimulés. Régulièrement dans certains cas. Mais bon, moi, c'est sûr, je vois pas quel téléphone intelligent à la salle d'entraînement, là, dans le sens sur moi, là. Moi, j'en ai un, c'est vrai, mais je l'utilise juste si j'ai un accident d'automobile. Tu sais, je passe pas mes journées à regarder ça, là. Ben non, puis tu sais, même moi, quand je m'entraîne, je l'ai, mais c'est ma musique, tu sais. Puis quand je m'entraîne, je suis pas intéressé à aller regarder des médias sociaux, là. Je vais faire ça quand je vais avoir du temps, puis quand je vais avoir la tête à ça. Tu sais, ça baisse ta vibration, là. T'es là, tu t'entraînes, pour que tu sois concentré sur ton corps, puis tu t'en vas amener ton mental sur un sujet politique sur Twitter ou ben à regarder des stories sur Instagram. Tu perds ton rythme, tu sais, moi c'est pour ça que naturellement mon corps me demande même pas d'aller regarder ça pendant que je m'entraîne parce que l'entraînement est plus important puis nourrit plus que de regarder mon téléphone. Je sais pas si tu comprends. Oui, exactement. Puis en même temps, ben, c'est une bonne chose d'être présent de corps et d'esprit à ce qu'on fait. Ben oui. Fait que c'est sûr que le paradoxe de la civilisation présente, c'est qu'au nom d'être connecté à Internet, les gens sont de plus en plus déconnectés à qu'est-ce qui se passe dans le ici et maintenant, dans l'environnement immédiat. Ouais, puis ça devient plus dur de communiquer avec les gens, hein, puis d'interagir, puis de rencontrer des gens spontanément, puis parler. Moi, c'est pas compliqué. Les seules personnes qui me parlent spontanément, c'est toujours du monde un peu fucké. Tu sais, genre, je te donne un exemple. Hier, je suis allé chercher des choses chez Walmart. Puis, je passe dans une allée d'électronique, je checkais pour des écouteurs Bluetooth. Puis, y a un gars qui dit: Ah, là, ces films-là, là, sont-ils en français ou sont pas en français? Puis, tu sais, il parle fort. Puis, tout le monde autour de lui, il y a genre quatre personnes dans l'allée, plus moi, donc cinq, plus lui. Fait que ça, on est six au total. Puis là, il y a personne. Tout le monde est comme, genre, essaie de faire comme s'il ne l'entendait pas, puis il ne le voyait pas. Puis ben moi, je vois quelqu'un qui communique, là, t'sais, qui est ouvert à exprimer quelque chose. Fait que là, je fais, ben, normalement, il devrait être écrit sur le DVD, t'sais, si c'est en français ou en anglais. Fait que là, il commence à regarder les DVD, puis là, il voit qu'il y en a qui c'est écrit français puis anglais, puis il est comme, ah, cool. Puis là, il me parle de certains films, puis ça devient une conversation. Tu vois que le gars, il est too much, là, t'sais. Je l'écoute un peu, là, fait que là, il me lâche plus, là, puis il me suit quasiment dans le Walmart pour continuer de me parler. Mais ça montre à quel point que souvent, c'est des gens qui ont le moins de tact, qui ont le plus d'ouverture, tu sais, qui sont comme capables de communiquer spontanément de n'importe quoi. Tu sais, le gars, il parlait de ses films, puis il trouvait ça intéressant, puis je l'écoutais, puis je parlais, puis il m'écoutait. Puis les autres, pendant ce temps-là, ils sont complètement coupés. Tu sais, c'est comme si on n'existait pas, là. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir comment que il y a des situations où tu peux avoir du monde qui sont vraiment. On pourrait tous se parler de même, là, tu sais, communiquer ensemble, puis il y a comme un blocage, tu sais, puis avec les téléphones, ça augmente la distance, évidemment. Oui, ben c'est ça. C'est comme les gens sont en présence de corps sur un lieu physique, comme un repas au restaurant, mais si chacun d'entre eux regarde ses messages sur son téléphone intelligent, ils ne sont pas présents à l'autre réellement, là. C'est ça. Moi, c'est sûr que quand je vois manger un repas avec des membres de la famille, je vais souvent avertir mon frère pour qu'il éteigne son cellulaire ou qu'il ne la regarde pas pendant qu'on mange, parce que je trouve ça très irrespectueux. Ben oui. Fait que moi, je le regarde pas. C'est sûr que je l'utilise pas, mais moi, ce que je vois, c'est qu'au nom de la connexion à la technologie, paradoxalement, on est de plus en plus déconnecté des autres en présentiel. C'est ça qui est dommage. Moi, c'est ça qui me personnellement je trouve vraiment triste aujourd'hui. C'est que ça devient de plus en plus dur de juste spontanément parler avec des gens, tu sais. Croise des gens, tu fais des sourires, des fois ils regardent à terre. Tu fais comme bon, OK. C'est poche parce que tu vois que dans le fond, là, ce qui est le fun en tant qu'humain, c'est d'échanger. Fait que là, tu sais, quand tu coupes l'échange de plus en plus par peur de je sais pas quoi, juste de s'exposer, d'être vulnérable, on dirait que ça crée un climat social qui est vraiment juste pas haut en vibration. C'est pas négatif, mais c'est comme s'il pourrait avoir plus, mais c'est le strict minimum. Fait que c'est comme bon. C'est pas la fin du monde, mais c'est plate. Tu fais genre, voyons, Chris, ça serait cool qu'on fasse un peu plus. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est sûr que la société, suite à la crise de la COVID, où ce que tout a été fait pour que les gens fassent de la formation à distance, travaillent à distance, ensuite fassent des achats en ligne, évitent les contacts sociaux. On a d'ailleurs parlé de distanciation sociale, distanciation physique, tous ces concepts-là qui ont été amenés, Ouais. nous amènent vers une société où les gens vivent chacun dans leur bulle en contact avec une interface électronique de plus en plus. Et la façon que je vois ça, c'est que l'industrie, que ce soit les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, ils ont tout intérêt à entretenir cette mentalité-là où la personne est en contact de plus en plus à travers les autres, mais à travers un téléphone ou un appareil pour surveiller les conversations, entre autres. Puis en fait, quand les réseaux sociaux sont gratuits, c'est parce que c'est l'individu qui le produit, puis on vend ses données personnelles. Donc, il y a de l'argent à faire avec ça. Puis un individu qui vit dans sa bulle avec la technologie, il risque d'être plus anxieux, plus déprimé, parce qu'il n'y a plus d'activité corporelle, il ne va plus des activités de massage ou autre. Donc, Exact. à ce moment-là, il risque peut-être d'avoir un peu moins de cytocine, puis être plus dans l'hormone de cortisol qui est générée, puis être sur le stress. Puis s'il vit du stress, bien, à ce moment-là, ça devient probablement un bon client pour l'industrie pharmaceutique, acheter des antidépresseurs, Ensuite, tu sais, il y a toute une panoplie de médicaments qui peut servir à compenser un déséquilibre qui est lié à la surconsommation de technologie, puis la personne n'a fait plus de sport. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ça peut nuire à son système immunitaire, ça va plus dehors non plus. Fait que s'il est plus faible, ben, elle a besoin de plus de vaccins. Si elle a besoin de plus de vaccins, ben, à ce moment-là, c'est encore une fois l'industrie pharmaceutique, qui peut en bénéficier. Ouais. C'est malheureux, c'est ça pareil, mais Là, je suis un peu la pente heureusement. fatale, là, mais je veux Non, dire, non, c'est qu'il mais y a je comme comprends un ce que tu cumul d'éléments qui sont mis en place dans la société par des lobbies au niveau technologique, pharmaceutique, qui va dans ce sens-là. Si t'as pas de plan, tu vas faire partie du plan de quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça. Aussi, ça me fait penser à l'adage qui dit, si ça te coûte rien pour avoir accès à un réseau social, c'est parce que c'est toi qui le produis. C'est ça. La Donc, bouffe. C'est la exactement. bouffe. C'est ça, c'est. Tu sais, moi, je vois ça parce que je suis un petit peu plus âgé que toi, mais il y a eu un changement de société qui a été. La crise du COVID-19 a été un catalyseur là, pour l'implantation des nouvelles technologies, dans le sens qu'il y a des choses que je ne voyais pas il y a quelques décennies. Là, tu sais, des gens partout qui sont avec leur cellulaire, là, tu sais, ils font, comme je te disais tantôt, ils font une série, ils regardent le cellulaire, une autre série. Ouais. C'est comme rendu un mode où ils attendent dans une file au magasin, ils ont tout le cellulaire à regarder les messages, tu sais. Ah oui, c'est capoté. Puis là, t'es là autour, toi, tu regardes pas ton téléphone, t'es dans le moment présent, puis tu dis, calisse, il se passe pas grand-chose ici, hein? Non, c'est ça, c'est que chacun est dans sa bulle. Ah, ils sont tous dans dans le plan astral, là, puis là, ils pensent, puis ça pense, puis ça pense, puis ça pense, puis ça pense. Pendant ce temps-là, ils sont comme en. C'est comme quand tu joues à un jeu vidéo, là, puis. Tu sais, ton personnage est dans la map, mais toi, t'es pas derrière du clavier puis de la souris. Fait que, y a personne en arrière. La personne, le joueur, il est statique. Tu sais, il est là, puis il est latent, là. Tu sais, il se passe rien. Fait que, tu sais, il se passe de quoi dans ta tête, mais. Dans la vie, tu joues pas. Tu sais, t'es pas là. T'es pas présent. Non, c'est ça. C'est que les gens sont. Ben, ils deviennent moins présents au niveau physique. Ils s'habitent plus. Ils C'est ça. sont en contact avec une réalité virtuelle. Puis là, tu as le paradoxe de quelqu'un qui est en contact avec quelqu'un à des milliers de kilomètres de distance à travers son téléphone intelligent, alors qu'il n'est pas capable d'être en contact avec la personne devant elle. C'est ça, c'est une genre de transe. Oui. Comme une genre de transe méditative, mais d'une méditation qui n'est pas vraiment le réel. Tu es comme dans un plan parallèle. T'es habité par quelque chose qui fait en sorte que ton corps il est comme plus il est plus en conjonction avec ton esprit là, t'sais. Ton esprit l'attention est ailleurs. Fait que là, quand t'es dans ton environnement mais ben, si là ça assujettit le monde à plus de chances de faire des accidents puis toutes sortes de trucs comme ça qui font en sorte t'sais, que la personne n'est pas dans le moment présent fait que le temps de réaction est plus là puis souvent il arrive des choses puis là ça augmente la peur puis l'anxiété c'est vraiment c'est pas un cadeau pareil hein, mais on est là pour témoigner de ça c'est comme un gros Hollywood Oui, exactement. Ben, c'est ça la transition numérique. On pourrait dire de notre vivant qu'on connaît l'implantation rapide et accélérée là, des nouvelles technologies. Et c'est sûr qu'on se dirige vers le multivers dont parle Mark Zuckerberg là, de Facebook, là. Et là, c'est encore pire que ça, de ce que je comprends, là, dans le sens que non seulement tu es en contact avec des gens, mais à travers, entre autres, des lunettes en trois dimensions, bien, la personne va être en contact avec des réalités virtuelles immersives. Puis là, tu vas voir des gens en trois dimensions là, devant toi interagir avec des avatars, là. Ouais. Donc, on va compléter l'enregistrement. C'est sûr qu'encore une fois, Olivier, ça a été un plaisir de Toujours. discuter avec toi. On le fait d'ailleurs une fois d'une manière ponctuelle là, au fil des ans. Pour les Ben oui. gens qui auront aimé l'entretien d'aujourd'hui, sachez qu'il y en a plusieurs autres que vous pouvez retrouver là, sur ma chaîne, sur YouTube ou également là, Odyssey. Et c'est sûr que pour les gens qui aimeraient entrer en contact avec toi, pour des raisons de consultation, entre autres, ou d'échange, ben, je vais laisser là, ton adresse courriel. Parfait, je te remercie beaucoup. Bon, ben, à bientôt, Olivier. À bientôt. Bye.